sortie culturelle. Cultural journey. Excursion culturelle. Gita culturelle. Sortie culturelle. Que le spectacle continue. Sortie culturelle spéciale Festival d'été de Québec vous est présentée en direct du bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. Et ça y est, on entre dans l'avant-dernier jour du Festival d'été de Québec. Jessica Leb avec vous pour vous accompagner de 15h30 à 17h30. On reçoit les artistes de la programmation du festival. Écoutez, on est plus en forme que jamais ces deux derniers jours. Puis la programmation se termine très très bien avec des artistes qui nous intéressent ici et qu'on a envie de mieux connaître. D'autres plus habitués au menu. Aujourd'hui, on recevra le groupe qui signe d'ailleurs le thème de cette émission, Busty and the Bass, Jason Bajan. Arnaud Cordier aussi, programmateur au Festival d'été de Québec. C'est lui qui connaît tous les petits secrets de la programmation. Alors on va tenter d'en savoir plus tout au long de cette émission. Twice on Tuesday également, qui jouera demain. Et enfin, un groupe qui nous vient de la France, malgré le nom, mais c'est un mélange franco-marocain, Gabacho Maroc aussi, qui jouera ce soir. Les chroniqueurs, évidemment, seront avec nous pour nous parler des spectacles qu'ils ont vus hier soir et ils nous suggéreront quoi voir ce soir également. Mais pour commencer, un artiste de Québec qui revient avec tout un tas de prix parce qu'il revient d'un autre festival. Il était à Petite Vallée, Festival de la chanson de Petite Vallée. Puis on remet toujours des prix à la fin aux chansonneurs qui se baladent et qui ont traversé le Québec tout au long du fleuve de Montréal jusqu'à Petite Vallée. Pierre-Hervé Goulet est avec nous. Bonjour Pierre-Hervé. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Mais oui, écoute, tous les communiqués presque qu'on reçoit, c'est Pierre-Hervé Goulet revient avec de nombreux prix de Petite Vallée. Faut croire que tu as séduit la Gaspésie, alors? Ah, j'étais vraiment content. Ça pouvait pas mieux se terminer pour moi. Je suis bien content de tout ça. Je m'attendais pas à ça. Alors, avant de revenir sur l'ensemble de ces prix, je rappelle que tu joueras ce soir, 19h, au Parc de la Francophonie, avant Alexandre Poulain et Deux Frères. On sait qu'à chaque fois que Deux Frères passent, non seulement à Québec, mais partout ailleurs au Québec, c'est complet. Ben ouais, hein, ok. Ouais, donc je pense que les fans arriveront en avance et seront là dès 18h là, mais 19h en tout cas pour te voir. Est-ce que c'est a priori le même public, Deux Frères et Pierre-Hervé Goulet? Hey, j'en ai aucune idée, mais moi les Deux Frères, je les ai déjà rencontrés dans le passé à Saint-Ambroise, puis c'est deux gars super sympathiques, fait que j'ai bien hâte de les revoir puis de leur rejaser ça, mais je pense qu'ils ont un bon public. Ouais, je pense que c'est du monde très crinqué. Fait que j'ai bien hâte de voir ça tantôt. Mais dans tous les cas, la chanson francophone à l'honneur, les mélodies aussi, la guitare, vous avez ça en commun? Ouais. Les cheveux longs aussi. Moi, j'ai pas d'enfant, par exemple. C'est vrai. Bon, alors, peut-être que les fans s'y retrouveront ce soir. Qu'est-ce que tu nous réserves ce soir, Pierre-Hervé? Parce que je pense qu'il y a tout ton groupe avec toi ce soir. Ouais, ouais, full band. Ça va être assez. Ça va déménager, là. Même si on n'est pas le 1er juillet, ça va y aller. Ça va brasser. Puis, ça, en fait, c'est toute la band que j'ai depuis un certain temps. Guillaume Méthode, Guillaume Tondreau, Marie-Pierre Bellefeuille, Richard Sanson. On va s'amuser, puis on va rocker ça. Alors que toi, tu as l'habitude de te promener en solo quand même, hein, pendant un temps des fêtes 2016, tu livrais tes chansons chez les gens. Oui, c'est ça. C'est un beau trip, ça. J'ai eu bien du fun à faire ça. J'ai pris 15 livres de joie quand je l'ai fait aussi, les deux mains dans le buffet, puis les shots de Jack Daniel. Compte au frais, évidemment. Oui, c'est ça. Tu n'allais pas te servir tout seul. Non, je dormais là, il ne me le demandait pas. Mais non, j'avais vendu au-dessus de 500 albums, fait que c'était un beau trip, tout ça. Ouais, à la rencontre des gens directement dans leur party de bureau, party de Noël aussi. Je me souviens que tu as fait une surprise à une grand-mère aussi. Dans son garde-robe. Ouais, j'étais dans son c'est garde-robe. Trop bizarre, comme ça. On t'avait caché, puis il fallait que tu chantes, puis on ouvrait les rideaux. Enfin, toute une mise en scène. Ah ouais, une grosse mise en scène de théâtre, là. Mais c'était moi le comédien, puis j'étais pas tant au courant de ce qui allait se passer. Improvisateur dans ces cas-là. Ouais, non, c'était un beau trip. Mais t'es allé chercher les gens un par un comme ça, donc j'imagine que des grosses foules comme le Parc de la Francophonie, ça te fait pas si peur que ça? Ben, j'ai hâte, en fait. J'ai hâte de voir ça. Je pense que rendu là, le buzz doit être tellement intense d'adrénaline que je vais juste... Je vais y aller all-in, puis je vais m'amuser avec mes chansons. Anyway, ça fait un bout de jouer avec les musiciens. T'sais, on a fait quelques spectacles, fait que ça va être le fun. Quand je parlais des nombreux prix que tu as récoltés tantôt, c'est parce que tu as fait partie de la cohorte Destination Chanson Fleuve, donc 8 auteurs, compositeurs, interprètes francophones qui étaient réunis le temps d'un bon mois et demi à peu près. Ouais, ouais, c'est envie, un mois. Ouais, un mois. Et vous aviez plusieurs ateliers, résidences, autant de l'écriture, de la création, de la scène aussi. Vous avez participé au Francophonie de Montréal, au Festival de la Chanson Tadoussac, vous avez joué à Québec aussi. Mais un mois et demi comme ça avec d'autres artistes qui viennent d'ailleurs, c'est comme un camp de jour, là. C'est un camp de jour avec du gin. Avec du gin? Ouais, non, c'est ça. Avec la musique, mais... Ouais, non, ouais, avec la musique puis du gin. Mais ouais, c'était un beau trip de rencontrer des gens. Tu sais, des fois, faire des chansons, ça peut être hermétique à certains moments. Fait que de partager ça avec d'autres mondes qui font ça de leur journée puis de leur vie, ben, c'est tout le temps super enrichissant. Mm-hmm. Et qu'est-ce que tu as le plus appris? Qu'est-ce qui t'a sorti de ta zone de confort, par exemple? Je suis pas arrivé là-bas avec une zone de confort en particulier. Tu sais, j'ai vraiment juste trippé. C'était une belle expérience. J'ai écrit une nouvelle chanson. J'ai rencontré du nouveau monde. J'ai pas mangé de poisson, par exemple. Ah ça, oui? Ouais, pourquoi? J'aime pas ça. Ah. Ouais, l'odeur, là. Ah non, ça me revient pas. En Gaspésie, c'était compliqué, non? Ben oui, c'est ça. Fait que j'ai mangé des napkins pendant une semaine. Tristesse. Mais au-delà de ça, des belles rencontres aussi. Oui. Parce qu'il y avait des artistes de l'Ouest canadien, des artistes, une artiste de la France aussi. Oui, ouais. Puis du Nouveau-Brunswick. Oui. Ouais. Fait que non, c'était super cool de faire tout ça. Puis à 8, les liens se créent assez vite aussi. Alors, revenons-en sur ces prix, on va les énumérer. Tu as gagné un prix d'enregistrement studio Sirius XM d'une valeur de 10 000 $. Pour quelqu'un qui ne fait pas de musique, qui n'a aucune idée de combien ça coûte d'enregistrer une chanson en studio, 10 000 $, c'est pour quoi? C'est pour une chanson, un EP, un album? En fait, c'est un starter, là. Tu sais, je pense que rendu là, c'est plus une manière de peut-être aller au bout de mes idées. Tu sais, si à un moment donné, je décide de vouloir une cornemuse, ben je vais pouvoir. Tu sais, mais, avec ouais. 10 000 $, mais là, enregistrement en studio, c'est quand même dédié au studio. Oui, ouais, c'est ça. C'est pour le studio, mais le c'est sûr que ça coûte plus cher que ça après avec la mise en marché, l'impression, tout ça, mais c'est vraiment malade, là. Je trippe beaucoup. Ça va me permettre de pouvoir explorer. Ouais. Mais toi qui enregistres déjà un album à l'année, hein, t'en sors un par an en ce moment? Ben, c'est une bonne moyenne à date que j'ai. On verra si je vais la tenir pendant 10 ans. Ça va aller plus vite alors avec ce 10 000 $. Tu vas pouvoir enregistrer plus vite, non? Oui, c'est vrai. Moi, ça me donne beaucoup de... c'est un bel outil, c'est sûr, parce que veux, veux pas, l'argent, ça a un impact dans la musique. Tu sais. Mais je vais quand même essayer de faire un album, tu sais, pas faire un EP. Tu sais, j'ai deux albums, j'aimerais s'en faire un troisième. Et toi, des chansons, t'en as plein, là, en plus. Je pense que t'as des choix déchirants au moment de choisir les chansons qui vont sur l'album, non? Ben oui, c'est ça. Puis c'est rare que je fouille dans mes vieilles chansons. Fait que je garde mes vieilles chansons pour mes vieux jours. Peut-être à un moment donné, quand ça va faire 40 ans que je l'écris, je vais me dire, bon, faudrait peut-être que je l'enregistre, ça. Chanson primée Socan Musique pour What a Man's Gotta Do. Oui. T'es surpris que cette chanson ait remporté un prix? Parce que des fois, bon, oui, on fait son album, on sait que la chanson est bonne, mais de là à se dire, bon, elle pourrait avoir un prix, ce que t'aurais pensé? Parce que la suivante, par exemple, là, on n'est pas surpris, je dirais après. Moi, ouais, c'est vrai que je la joue tellement tout le temps partout qu'à un moment donné, elle n'a pas le choix de vivre. Mais ouais, pour Waterman's Gotta Do, j'étais super content, le prix Socan. C'est sûr que c'est une chanson en français, tu sais, évidemment, malgré le titre. Mais ouais, c'est super cool. Puis même que le gars qui m'avait donné le prix faisait des jeux de mots avec le titre de la toune, puis je comprenais pas, tu sais, au début, tu sais. Puis finalement, il m'annonçait un peu que ça allait être... que ça allait être cette chanson-là qui avait été sélectionnée. D'avoir une chanson primée, c'est pas comme un album où on peut avoir le label chez le disquaire là, avec l'autocollant où c'est marqué meilleur album de l'année. Là, la chanson, c'est plus difficile de mettre oui, le label. Oui, non, c'est ça. Il n'y a pas d'étiquette dessus, mais il y a une belle petite bourse qui venait avec. Fait que ça, c'est très, très cool. Je vais pouvoir acheter des étiquettes avec ça. Chanson Sirius XM franco pour Doubi. C'est là où on n'est pas surpris parce que celle-là, elle nous rentre dans la tête. Puis il y en avait beaucoup. Bah, une personne en particulier à CKRL qui l'avait bien flairée, celle-là. Ah ouais, ok. Oui, oui, tu la connais, Tania Beaumont, qui adore oui, cette chanson. Oui, oui, oui, c'est vrai. Voilà. Et Doubi, on t'en parle tout le temps, non? Ouais, Doubi, ouais, ben c'est parce que je la joue souvent aussi. J'ai beaucoup de plaisir à jouer cette chanson-là. Ça swing beaucoup dans le texte aussi, fait que ça me fait rire de mâcher ces mots-là, puis c'est quasiment du rap, là, finalement. C'est plus du flow. Mais ouais, c'est super cool. Je suis bien content que cette chanson-là, finalement, ça fait 2 ans que je l'ai enregistrée, puis là, je reçois un prix pour ça, fait que je suis bien heureux. Et on va l'écouter tantôt, vous l'aurez pour toute la journée dans la tête, même voire jusqu'à demain, si vous n'allez pas voir de show ce soir. Des spectacles en France, participation à l'émission Belle et Bum aussi, est-ce que tu écoutes cette émission habituellement? Ou... Ben, ça fait longtemps, Belle et Bum, que ça existe, fait que j'ai écouté ça pendant des années, puis là, de pouvoir jouer, c'est sûr que ça me fait... Ça me fait triper, tu sais. Le house band est vraiment malade, là. Fait que j'espère pouvoir jouer Doobie. Ah, j'aimerais vraiment autre ça. Autre formule, ouais. À Belle et Bum, mm-hmm. Ça serait super cool. Et puis, le prix Rosec, donc, c'est la tournée dans l'Est du Québec pour l'année 2000. Ah non, en fait, c'est un show à Rimouski, je pense. Ah, OK. Ouais, devant les diffuseurs, tout ça. Fait que, aller dire un petit coucou, c'est le fun. C'est vraiment trippant. Pour participer, oui, à une vitrine à Rimouski. Et puis là, c'est pour les diffuseurs de l'Est du Québec, ouais, qui pourront décider de te programmer l'année prochaine dans, ouais, leur salle. Ouais, c'est ça. Puis en espérant qu'il y en ait quelques-uns qui me mettent dans leur programmation, ça va me faire un bel été. Et tu avais gagné aussi l'année dernière la finale des Apéro FEC, donc apéro du Festival d'été de Québec, avec une belle bourse en prime aussi. Ouais. Est-ce que tu as déjà dépensé l'argent de cette bourse? Ah ben oui. Je ne commencerai pas à dire que j'ai mis ça. Oh, j'ai mis ça dans un compte, je fais attention. Non, non, ça y était. Moi, je m'étais claqué un trip aussi dans l'Ouest pour aller créer les nouvelles chansons. J'ai investi ça dans la création, en fait, du deuxième album. Ouais. Alors voilà pour Pierre-Hervé Goulet, et franchement t'es impressionnant avec tous ces prix remportés, j'imagine que ça te donne une belle petite tape dans le dos pour avancer dans la suite des projets. Ouais, c'est super cool, moi j'y allais vraiment pour le fun, puis là ben, je reviens aussi avec des prix, tu sais, qui me font vraiment plaisir, c'est super cool. Donc, on te voit ce soir au Parc de la Francophonie. Ça sera à 19h en ouverture de Alexandre Poulain et de Frères. En fait, je me rends compte, j'ai pas du tout choisi Doobie. J'avais envie de faire découvrir une autre chanson du nouvel album. Ben voyons donc laquelle t'as choisi. Et une chanson que je t'ai déjà dit que j'aimais beaucoup qui s'appelle Gaïa. Oh, OK, ben oui. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette chanson, tiens, avant de l'entendre? Ben moi, je la trouve un peu punk, cette chanson-là. En tout cas, dans la vibe que j'avais en l'écrivant, là, je la filais un peu comme ça. J'ai tout fait moi-même sur cette chanson-là, bass, drum. Est-ce que le cri du début, c'est toi aussi? Ouais, ouais, ouais. C'est pas un petit chien qu'on a mis dans le reverb. On sait jamais. Alors, j'ai eu bien du fun. Je l'ai fait dans un délire d'une soirée, là. Alors, on va l'entendre. Merci beaucoup, Pierre-Hervé Goulet. Ben, merci à toi, Jessica. La meilleure des chances pour ce spectacle ce soir. Voici Gaïa. Du monde dans mes oreilles, la réalité. culturel. Cultural journey. Excursion culturelle. Gita culturale. Sortie culturelle. Que le spectacle continue. Sortie culturelle spéciale Festival d'été de Québec vous est présentée en direct du bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. Et oui, on se fait un plaisir de réécouter le thème parce que le groupe qu'on reçoit maintenant, bah, c'est eux que vous entendez sur le thème de l'émission, le thème qui nous accompagne pendant ces 11 jours de Festival d'été de Québec. J'ai nommé Busty and the Bass. Ils joueront ce soir 21h10 à la scène Hydro-Québec, c'est au carré du Ville et ça sera gratuit. Je vous recommande chaudement ce spectacle pour les suivre depuis le début. Autour de la table, j'ai trois des 8 membres du groupe, des 9 membres du groupe de Busty and the Bass. J'ai Eric qui parle français d'ailleurs, bonjour Eric. Oui, salut. Également Nick que vous entendez, qui chante aussi dans le groupe, qui joue du saxophone, bonjour Nick. Bonjour. Et Alistair qui lui rappe et joue plusieurs instruments aussi, clavier. Bonjour. Bonjour. Alors ça va être mi-anglais, mi-français pour l'entrevue. Je suis très contente de revoir Busty and the Bass parce que je vous suis vraiment depuis très longtemps ici à Québec. Je me souviens d'un spectacle que vous avez donné à l'Université Laval. Oh wow. Pour le show de la rentrée. Il y a trois ans. C'est là que je vous ai découvert et je suis tombée sous le charme parce que je devais partir de cette soirée. Ah ouais. Puis quand j'ai entendu Busty and the Bass, je reste, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, je suis restée, je vous ai découvert là. 3 ans plus tard, vous revenez au Festival d'été de Québec parce que c'est la deuxième fois, oui. Il me semble. Oui. Deuxième participation. Quel souvenir vous avez du Festival d'été de Québec? What memories you have from the Festival d'été de Québec, which is your second venue? What memories do we have, guys? Well, on a joué sur la même scène il y a 2 ans et nous étions comme tellement... impressionné par juste le grand variété des artistes qui vient au festival et aussi le niveau des artistes, c'est vraiment impressionnant et nous sommes tellement heureux de retourner à Québec et de jouer comme le headline slot sur cette scène. C'est, mm-hmm. c'est excitant. Tête d'affiche, ouais, exact. C'est très différent d'être le headliner. Mais oui, pourquoi? Juste la dernière fois qu'on a joué pour le headliner, il y avait beaucoup plus de monde que notre set. C'était un peu différent. Et moi, je voulais être un peu. Je vais jouer le plus tard possible. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de monde et l'atmosphère est différente. Et, alors, maintenant et aujourd'hui, je suis impatient. Mais oui. Et Alistair? What memories do I have? Yes. Wow. Sorry, my French isn't as good as these guys, so I'm going to resort to my English no if that's okay. No problem, yeah. Go ahead. What's really nice about it is that they put us up in the Hilton Hotel, which is very fun. But, it's a beautiful city to be here. Like, the Plains of Abraham, to witness all the people sprawling out for miles and miles. Our stage is just a little bit removed from that, but it's nice to be able to play the headlining slot in that stage tonight, so... Mm-hmm. Yeah, there's an energy at this festival too that's different from a lot of places. And I know a lot of artists say that when they go to a specific city. They're like, oh, this place is the best to play. But really, the whole festival and the vibe in this city right now is amazing. And playing just becomes simple and easy and so much fun. About the organization, you mean? Yeah, just everything. And all the people that come, every family you have in Quebec is just so warm and welcoming. It's amazing. Mm-hmm. Alors, Nick racontait que c'est particulier de jouer au Festival d'été de Québec, vraiment. Il dit, on sait que tous les artistes disent ça tout le temps, mais vraiment, il y a quelque chose de spécial au Festival d'été, que ça soit l'organisation, les gens qui viennent, l'accueil chaleureux qu'on a à chaque fois. Ça rend le tout plus agréable au moment de jouer sur scène. Et pour Alistair aussi, c'est que de bons souvenirs sur le Festival d'été de Québec. J'en ai perdu un bout de la réponse, mais sentiment partagé aussi pour Alistair. Comment évolue le groupe? Vous arrivez à sortir des albums en même temps que vous êtes en tournée. Vous venez tout juste de sortir un EP live from London. Ouais. Aussi, 4 chansons que vous avez enregistrées live. Est-ce que Busty and the Bass, c'est vraiment un groupe de tournée? Is Busty and the Bass definitely a band, like a tour band? Like, it happens on stage, you know? Yeah. Oui, définitivement, notre spectacle live, c'est un parti intégral de notre musique, juste parce que pour nous, c'est la façon la plus simple de communiquer l'énergie du groupe avec du monde, et ça fait beaucoup de fun pour nous. Alors, c'était la première fois qu'on a fait un album ou qu'on a lancé des chansons live, et ça c'était vraiment spécial. C'était un concert très spécial aussi au Londres, UK. Mais aussi, nous vient juste de prendre quelques mois complètement sans tourner, qu'on n'a pas fait comme une unité de temps sans tourner comme ça pour comme 3 ans, je pense. Mm-hmm. Alors, on était juste au studio et pour enregistrer beaucoup des chansons nouvelles. Donc, ça fait vraiment fun pour nous de retourner au tournée, mais aussi je pense que les spectacles sont aussi très importants pour nous. Pourquoi Londres? Why London for the live EP? Je sais pas. Fallait choisir. You had to pick up. You have such a great tour. I think we were trying to just pick the city in Europe that we had the biggest following, that we could capture something different than we had here or in America. It's just completely different for us there, because we didn't grow up playing there. We didn't come up in a scene or anything like that. So playing London is very much like us coming as like an import almost, mm-hmm. of sorts. And so getting that energy of people that maybe didn't see us coming up, and just to like see what we do. And we decided, hey, we were playing a really great venue. The Jazz Cafe is a special mm-hmm. venue. Yeah, Angelo did an album there. Jamiroquai did an album there. It's like all these live albums have been made there, so it was a big kind of why not? And London's such a great city. Mm-hmm. So, j'ai demandé pourquoi le choix de Londres pour l'enregistrement de ce EP, parce qu'ils ont tellement une grande tournée, ils font tellement de dates. Pourquoi choisir Londres en particulier? Il dit, c'est sûr, c'est symbolique. On voulait une énergie peut-être un peu différente de ce qui se passe en Amérique du Nord. Jouer à Londres, c'était spécial, au Jazz Café particulièrement. Jamiroquai, par exemple, a enregistré un album là-bas aussi. Donc, il y avait quelque chose de spécial à capter lors de ce spectacle. Et seulement 4 chansons. Oui. Only 4 songs? Oui. Why? Just an EP. Oui. Pas trop dans l'air. Makes people, you know, have to come see us live in person. Ça, c'est tout simplement pour que les gens viennent vous voir en spectacle, effectivement, que seulement 4 chansons. Et vous travaillez sur un nouvel album aussi? Tu parlais de... Vous avez enregistré des nouvelles chansons aussi? Oui. Working on a new album as well. We sure are. Yes, it's really exciting. To get back into the studio, we don't want to be known. We want to be able to do both. We don't want to be a live band or a studio band. Mm-hmm. I feel like for all of us, the artists that we look up to have done both really, really, really well. And so right now, the job is to try to. We've done live so much, is to really try to capture what we can do in the studio. So that's been really fun. And for the first time in a while, we really decided to take the time off the road, and to the point of saying no to shows, which we never do. So that was a big deal for us to like take control and be like no shows for this time. Like we want to be able to record mm-hmm. how we want to and to be happy with it. Is it in Montreal again? Yes. Okay. Mm-hmm. Donc oui, bah, il a fallu qu'ils prennent le temps hein, pour aller en studio, parce que bah, ils adorent la tournée, mais à un moment donné, il faut se dire bon, ok, on prend ce temps-là pour aller en studio et enregistrer des nouvelles chansons. C'est très excitant pour eux. Ils veulent pas être seulement un groupe de tournée ni un groupe de studio. Ils veulent être les deux. Donc il faut vraiment qu'ils contrôlent leur temps pour pouvoir faire les deux. And when will it come out? Pas de date. No. This year? Maybe. La prochaine année, prochaine. Je pense. Stay tuned. Oui. Mais ça faisait aussi comme 2 ans, je pense, qu'on était en studio pour enregistrer notre album dernier, ouais. Uncommon Good. Alors, nous avons eu comme vraiment hâte pour réentrer dans le studio pour enregistrer et démontrer notre croissance comme comme dans l'écriture des chansons et aussi dans la production. Alors, c'était une expérience très spéciale. Et ce soir, alors, on a dit première fois en tête d'affiche au Festival d'été de Québec. Qu'est-ce que vous nous réservez? Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu spécial pour Québec ce soir? What about tonight on stage? Do you prepare something special for your Quebec audience? We always have a little something special in store. But we don't want to give anything too much away, you know. We're going to play more than we usually do, that's for really? Sure. How long, more or less? We'll see, but long. Cool. Well, especially for our music, it's like, yeah. I feel like an hour and everyone's so just exhausted that we're doing more than that, so we'll see how much energy the audience has. Okay, right. Donc, bah, c'est sûr que ce soir, ça sera plus long que d'habitude. Ils ont la chance d'être tête d'affiche, donc ça sera plus long qu'une heure. Mais quoique, en une heure, ils se sentent déjà super fatigués. Alors, on verra ce que ça donne ce soir et ce que le public va demander, va attendre aussi pour quelque chose d'un peu spécial, qui sait. Merci beaucoup, Busty and the Bass. Merci. Have a great show tonight. I'm looking forward to it. On va écouter un extrait de ce EP Live from London. Voici The Real, un petit extrait. Thank you so much, London. You don't feel the vibe with us. This track's called The Real. Touched a storm or felt a wind so strong. Never knew, never felt, never had something. But all the stories say something, something more, ooh, than I ever knew. Something real, try and see something right, true. We'll never be there. You'll ever be, 'cause you just got to find something. Chanda! Sortie culturelle. Cultural journey. Excursion culturale. Gita culturale. Hello, hello, hello, hello. 89.1, Québec. CKRL. Depuis 10 ans, Première Ovation présente les artistes émergents de Québec. Savourez 125 ans d'histoire brassicole en visitant l'exposition Ici, on brasse la bière, tout l'été à l'îlot des Palais. Artefacts, images et témoignages inédits témoignent d'un savoir-faire et d'un goût bien québécois. De Jean Talon à la brasserie Boswell Dow. Tous les détails au ilotdespalais.ca. Santé! Radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les partout. Disponible pour Android et iPhone. Présentement à l'affiche au cinéma Le Clap. Ant-Man et la Guêpe 3D. Ciao Ciao. La comédie française présente Britannicus en reprise. Hôtel Transylvanie 3, les vacances d'été. Itzac, Je vais mieux. Plongée. Le retour du héros et la vie en Grace Jones. Rendez-vous sur leclap.ca et retrouvez l'essentiel de la programmation et plus encore. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Harmonie Montmorency, Festival de la BD francophone de Québec, production Bonne Maison, Épilepsie Section Québec et La Rotonde. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Du 26 au 29 juillet, venez vivre la Biennale de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli. De la performance à des œuvres in situ, de la sculpture religieuse à l'installation, vous serez charmé par la poésie des propositions artistiques. Cette année, la Biennale propose une expérience métissée à travers 7 duos de co-création formés d'artistes du Québec et du village allemand Oberammergau. plusieurs activités pour les enfants et des spectacles dont Tire le Coyote et le poète slammer David Goudreau. L'école, c'était long pour un manuel comme moi. Je levais le nez sur les manuels et je parlais parfois. La Biennale de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli, un rendez-vous créatif, participatif et festif au bord du fleuve. Programmation détaillée, biennaledesculture.com. Pourquoi être membre de CKRL? Parce que tout simplement, c'est la meilleure radio au monde. Et aussi parce que vous économisez 20% au bar salon Quartier Général, 1 boulevard Charest-Ouest. Devenez membre sur ckrl.qc.ca. Sortie culturelle. Cultural journey. Excursion culturelle. Gita culturale. Sortie culturelle. Que le spectacle continue. Sortie culturelle spéciale Festival d'été de Québec vous est présentée en direct du bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. Avant-dernier jour du Festival d'été de Québec et on est toujours là avec vous à CKRL 89.1. Je vous rappelle, il y aura deux émissions, une émission en cours là aujourd'hui et demain aussi. Ça sera le moment de faire les bilans aussi du Festival d'été de Québec. Je pense qu'on commence déjà à penser qu'est-ce qui nous a marqué pendant cette édition. Quelles sont nos découvertes? Parce que oui, on fait toujours des découvertes au Festival d'été de Québec. Et on retrouve déjà Tania Beaumont. Bonjour. Allô. Tania. Bonjour. Chroniqueuse dans l'émission. Et Tania, on a pu voir... sur un autre média que tu avais fait un petit guide pour le festivaliste avant le Festival d'été de Québec au premier jour. Oui, exactement, pour le premier jour, jeudi le 5 juillet. Alors rappelons, c'est quoi le concept de ce petit guide? Ben, c'est un peu des pratiques, des bonnes pratiques, l'éthique du festivalier, des bonnes mœurs finalement, comment se comporter en groupe. Et moi, je pars toujours du principe que pour être à l'aise dans une foule, avec d'autres gens, il faut être à l'aise avec soi-même dans un premier temps. Donc, il faut s'assurer d'être bien équipé. Il faut avoir des bons souliers parce qu'on sait qu'on va être debout pendant assez longtemps. Souvent, on a pris un transport en commun ou on est venu à pied sur les scènes. Donc, déjà, on a une marge de fait. Soit il faisait très chaud, soit il faisait très froid. Des fois, il pleut. Donc, il faut être habillé en conséquence. Il faut être prévoyant. Et là, je sais qu'il y a toute une... lignée de look de festival. Il y a des choses magnifiques qu'on peut porter, mais est-ce adéquat pour être bien avec soi-même et pouvoir endurer les autres? Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. Donc je donnais des petits conseils comme avoir une bonne chaussure que je trouve vraiment cruciale quand on va voir des spectacles. Apporter un imperméable, ne pas se laisser avoir par la pluie. Peut-être ce soir, là, ça tombe bien qu'on en parle parce qu'il n'y en a pas vraiment eu de la pluie pendant le festival. Non, c'est très cool, à part le soir de Foo Fighters. Et ironiquement, je n'avais pas mon imperméable ce soir-là. Mais je l'ai aujourd'hui. Donc, de ne pas se laisser décourager. Si on est fumeur, hein, c'est un peu désagréable quand on est dans une foule. Mais je pense que les gens ne veulent pas s'empêcher de fumer. Mais je pense que si on a des regards un peu différents des gens, on se rend compte là, que ça incommode des gens. Il faut quand même être à alerte aussi et prendre en considération qu'on est vraiment très, très nombreux. Moi, je disais aussi s'attacher les cheveux. Tu sais, quand c'est humide, là, puis là, il y a quelqu'un avec vraiment beaucoup de cheveux en avant et là, t'es proche de... Et là, c'est des quand cheveux les foules inconnus. Sont vraiment compactes, là, on parle. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est quelque chose que particulièrement je n'aime pas. J'ai appris quelque chose sur toi en découvrant cette astuce-là, effectivement. Je donne aussi la très bonne astuce de ne pas boire de café avant pour éviter son effet diurétique. Et d'avoir envie d'aller aux toilettes. Mm-hmm. Même d'éviter la bière. Ça, c'est plus dur, ça. C'est plus difficile, mais on est content quand on n'a pas à aller faire la file pour la petite toilette bleue. Effectivement. Les fameuses gourdes aussi, hein, tu donnais un petit conseil parce qu'on n'a pas le droit. Alors, l'imperméable, très bon parce qu'on n'a pas le droit au parapluie, notamment sur les plaines où il pleut. Hein. Bah, vous avez votre imperméable, puis ça vous coule dessus, puis c'est comme si de rien n'était. Mais les gourdes, comment on fait, Tania? Mais il y a des gourdes vraiment très, très pratiques pour plusieurs raisons parce qu'on parle de bouteilles molles. Hein, donc, si ça se chiffonne, ça va. Vous savez, celles des bouteilles de plastique qui craquent, là. On peut en acheter une et la réutiliser maintes et maintes fois. Ça marche. Mais il y en a qui se vendent, c'est un peu comme un sac. Donc, elle est presque en deux dimensions. Quand on met de l'eau dedans, elle prend de l'expansion. Donc, ça, c'est hyper pratique. Souvent, il y a un petit crochet, un petit harnais. Donc, on peut l'attacher sur soi. On n'a pas besoin de la traîner dans un sac à dos, de l'avoir toujours dans les mains. Moi, j'avais acheté ça. Je vais le dire, où est-ce qu'on te le compte? Il paraît qu'il y en a encore parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Oui. J'ai des amis qui, par la suite, sont allés s'en acheter. Parce qu'en plus, quand c'est terminé, on peut la rouler. Ça rentre quand même bien dans une poche. Ça prend pas beaucoup de place. Donc, ça, c'est une gourde vraiment. Ça coûte 1,25. Ah oui, c'est vraiment une gourde. Tout, je plus. Sais, c'est en plastique, là, c'est pas très écologique et tout, mais on la garde vraiment longtemps. Et moi, c'est ma gourde de festival et même d'autres occasions parce qu'elle n'est pas volumineuse. Donc, c'est facile de la rouler, elle ne prend pas trop de place. Et alors, un grand débat, il y a d'ailleurs un article qui est sorti dans Le Soleil aujourd'hui à ce propos. Ceux qui parlent pendant les spectacles. Ah, ceux qui parlent. C'est un fléau. C'est un fléau en général, pas mal tout le temps. On dirait qu'on n'a pas assez de moyens de communication aujourd'hui. Il faut en plus parler dans les spectacles. On peut comprendre. Hein? Souvent, on sort entre amis, on ne s'est peut-être pas vu, on a envie de se jaser. Le contexte est très convivial, c'est agréable. Et déjà, on s'en rend compte dans les salles, ça peut être difficile, surtout celles qui sont très près d'être un bar. Hein? Les spectacles debout, il y a un bar. Et là, on sait qu'en arrière, c'est certain qu'il va avoir tendance à jaser. Mais quand c'est un spectacle extérieur, c'est vrai que c'est un peu plus embêtant. T'sais, les plaines, c'est grand, grand, grand. On peut pas dire ne parler jamais à personne mm-hmm. là-dessus, avoir une qualité d'écoute. Ça peut arriver dans certains lieux différents, mais c'est certain de se dire qu'est-ce qu'on fait. Et c'est un sujet qui revient, je pense, à chaque spectacle en général. Oui, c'est vrai. Mais dans Le Soleil, il y a Marc Allard qui était tanné et qui a écrit « Sois gentil, ferme-la ». Donc, il nous parle de son expérience. Il était au spectacle de Bonobo. Donc, on est vraiment dans un style plus électro-planant. Il n'y avait pas de... Oui, il y avait une chanteuse, mais il n'y a pas nécessairement de paroles qu'on peut scander ou qu'on peut chanter. Donc, on est vraiment dans l'écoute. On est vraiment dans l'ambiance. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et il avait une bande de jeunes vingtenaires qui se racontaient leur vie au complet. Donc lui, ce qu'il mentionne, Marc Allard, dans cette chronique, c'est il n'y a pas de problème si tu veux crier à l'artiste, si tu veux que tu l'aimes, si tu veux chanter les paroles, si tu veux parler du spectacle. Mais quand on est là vraiment dans un but social, je veux dire, il y a d'autres endroits que de faire son social pendant le spectacle. Et il y a quand même d'autres... Il cite un autre article, d'ailleurs, qui a été écrit à ce sujet parce que c'est vraiment la notion de concert extérieur qui fait qu'on se pose la question, est-ce qu'on a le droit ou non? Et ce que le deuxième article, qui lui est en anglais, raconte, c'est surtout de le dire, mais peut-être pas d'une manière très frustrée. Hein? D'où l'idée d'être à l'aise avec soi-même. Si on est bien avec soi-même, on est confortable avec soi-même, on n'est pas déjà irrité parce qu'on a mal aux pieds, parce qu'on est détrempé, ça va être plus facile de peut-être communiquer avec les gens en disant... S'il vous plaît, j'ai de parler au jeu. Hein? On est vraiment dans le règlement de conflit ici. Pour éviter les conflits, j'ai de la misère à entendre le spectacle. Est-ce que vous pourriez baisser le son un peu? Mais c'est sûr que souvent, on se bute à juste des soupirs et des yeux qui roulent par en arrière. Ou le chute. Ouais. Ah non, faites pas ça. On fait pas le chute. Le chute, on le fait pas. Là. En aucun contexte, là, c'est vraiment désagréable. Si je parle et tu me dis « chut », c'est sûr que je veux juste parler plus fort parce que c'était pas le fun. Mais si tu viens me voir discrètement, et souvent, les gens sont tellement mal parce qu'on est habitué d'avoir une réaction vraiment très, justement, un chut, ou quelque chose de très virulent, ou oh, fermez-vous. Mm. Mais c'est certain que si quelqu'un vient vraiment avec, on risque de plus se sentir mal et dire, ah, ben, c'est peut-être vrai, tu sais, je vais baisser le ton. Des fois, on s'en rend pas compte, on est dans la discussion avec nos amis, on se sent porté, puis on jase de plus en plus fort, hein, et finalement, surtout dans les spectacles où, quand on est un peu plus à l'arrière, c'est certain qu'on est peut-être moins dedans. Donc, c'est un peu plus difficile. Mais tu sais que ça arrive aussi à l'avant. Moi, j'ai l'anecdote l'année dernière. Pink Martini, Carré Duville, salle full super dense. Et juste... Moi, j'étais au premier rang, parce que j'adore Pink Martini. Et juste derrière moi, donc deuxième rang, une dame qui commente tout le spectacle. Je pense que c'était sa sortie de la semaine. Et elle commentait absolument tout ce qui se passait. Donc, elle ne parlait pas de sa journée d'hier, mais elle commentait les moindres faits et gestes du spectacle. Ah, gauler en avant, là! Alors, je me suis tournée, j'ai aussi un petit peu dévisagé, j'avoue, et j'ai fini par lui dire, parce qu'à un moment donné, elle ne comprenait pas. Et souvent, on cherche l'approbation des autres spectateurs autour de nous. Oui. Est-ce que c'est juste moi, ou est-ce que ça dérange vraiment du monde? Et là, effectivement, on était plusieurs à se regarder, parce parce qu'elle parlait vraiment fort. Et j'ai fini par lui dire, s'il vous plaît, j'aimerais bien entendre le spectacle, surtout qu'il y avait des moments très doux. Donc quand vous entendez plus la personne derrière vous que la chanteuse qui est juste en face, c'est un peu dommage. C'est dérangeant, c'est très dérangeant. Mais tout est une notion de respect. Même chose si vous avez envie de mettre quelqu'un sur vos épaules, si vous voulez amener une poussette, par exemple, sur les lieux. C'est d'être respectueux à son entourage. On est des centaines de milliers sur les plaines, par exemple. On est des dizaines de milliers ailleurs. On est des milliers dans d'autres places. Il faut juste, je pense, faire le vivre ensemble comme on le connaît bien. Et si on est dérangé, de peut-être pas attendre à la fin non plus et de le dire vraiment frustré, mais de le dire vraiment doucement, calmement, avec respect. Et ça risque juste de bien passer. Au moins, on sera pas frustré tout le long du spectacle et les gens vont peut-être tout simplement quitter. Et si on peut, ben on peut aussi changer de place. Je sais que des fois, c'est plus difficile où on est arrivé, nous, très, très tôt. Et là, finalement, des gens qui viennent se placer en avant... Et là, ils parlent. Hein? Ça arrive souvent. Oui, c'est ça, alors que vous êtes là depuis très longtemps. Oui, c'est ça. En tout cas, ben, pensez-y, effectivement, à tous ces astuces savoir-vivre, effectivement. Pour terminer sur mon histoire de Pink Martini, la femme s'est juste tue à la fin. Ah, ben voilà. Ben, parce qu'elle était un peu outrée que je lui dise ça, puis finalement, bon, elle m'a trouvée insolente. Mais tous les autres sont allés approuver à côté, lui ont dit, mais non, elle a raison. Et donc, les gens ont pris la défense, etc. Mais bref, ça peut arriver. Si vous voulez jaser, mettez-vous à l'arrière, bien au fond, que vous dérangerez personne. Mais deuxième rang, oui, j'avoue que là, j'étais un petit peu... Ouais. Un peu surprise. Merci. Puis, oui, prendre Tania. Un peu moins de bière aussi, ça nous aide à parler moins fort, je veux dire comme ça. Et c'est Marc Allard à lire dans Le Soleil. Et il parle d'un article de Stephen Thompson, qui est sur le site de la radio publique américaine NPR. Avec quelques autres conseils. Tania Beaumont, merci beaucoup. Plaisir. Dans quelques instants, on va recevoir Jason Bajada qui joue un peu plus tard au Festival d'été de Québec ce soir. Mais avant cela, on va écouter un autre artiste qui, un autre groupe de Québec qui, eux, animeront certainement une soirée tout en rap et en hip-hop. Voici À la Claire Ensemble qui jouera à l'Impérial Bell ce soir, 21h. On se rejoint au bar, jouer au basketball. Peu importe le temps qui fasse. On se rejoint au bar, jouer au. J'avais genre 12, je me rappelle encore. Des parties pas finies jusqu'au cinquième quart. Deux ou trois options de stratégie de base. Step dans le corridor, c'est la defense d'or. Autour de porte, dès que la neige à star. C'est l'asphalte mouillé, elle caoutchouc bounce. Comme hors de tes pores, fais pousser ton soupe hier soir. Des bonnes portes aux d'or à spoche de cacao. Menu de luxe, maison ou bedon du take-out. Oublie pas tes minéraux, sinon t'as chaud des cheveux chaos. Le link entre le mental pis le food dans le corps. Pour toujours, va me rappeler c'est the old school song. Zing, zing, zing, zing, zing. Magnésium, zinc. Potassium, calcium, zinc. Zinc, zinc. Plutonium slash uranium, zinc. Protéines, vitamine, zinc. Ou de quoi du genre. Mon boy avait des mass kills pis un cœur immense. Le X, sa mère l'avait pondu en format small. C'est seul deux points du match, lui c'était sur un cross. Rocker Park, dans la blessure, il faisait une petite danse. Quand je pense à ça, à quel point qu'avec le sport professionnel, ils ont réussi à brainwash les morts. Comme James Naismith au fin fond de son vieux gymnase. A bien bite, un vieux rituel de la préhistoire. Peu importe le temps, basta. À la Claire Ensemble qu'on vient d'entendre. Ils seront ce soir à l'Impérial Bell, 21h. On va maintenant du côté du cœur du FEC Scène FIB. Si vous voulez voir l'artiste qui joue à 17h, ben, il est juste avec nous quelques minutes à peine avant de monter sur scène. Jason Bajada, donc sur la scène FIB. Bonjour Jason. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien toi? Ça va très bien. Alors deuxième festival d'été de Québec pour toi? Ouais, ça fait très longtemps que je suis venu et je suis ravi d'être ici. Et heureusement, il pleut pas. En fait, il fait gris. Mais au moins, ils n'ont pas le soleil qui plombe sur nous. Ouais, t'es tombé dans le moment de fraîcheur du festival. Ah ouais, hein? Oui, je pense, okay. Vraiment. Jason... Et tu dis ça, j'ai des gouttes de chaleur. C'est normal aussi. Il fait pas si froid que ça. Alors, tu nous reviens avec un nouvel album, Love Shit 2, Blondie and the Backstabbers. Backstabbers. Ah, merci. C'est mieux dit comme ça. Paru en 2017. T'alternes entre chansons en anglais, chansons en français aussi. Pourquoi un album tout francophone pour cette fois-ci? En fait, anglophone, cette fois-ci. Oui, j'ai dit quoi? T'as dit francophone. OK, excuse-moi. En anglais. Non, ça va. C'est la fin du festival. Tu es pardonné. Ouais, pourquoi? En fait, le franco, c'était une parenthèse. C'était vraiment 4 ans de ma vie. Je pensais faire une chanson, c'est devenu 2 albums. et me voilà retourné dans mes anciennes pantoufles anglo. Alors, c'est juste, ça va de soi. Il y a des choses que tu arrives mieux à exprimer en anglais qu'en français, ou l'inverse? Je sais pas. En fait, je me souviens plus comment écrire de chansons, ça fait tellement longtemps. J'ai écrit beaucoup de tunes pour cet album-là. Ouais, il y en a 20 quand même. Ouais, puis bref, c'est, je sais pas si la langue, ça change grand-chose. Plus des périodes de ma vie, puis j'ai été incapable de faire un album bilingue à date. Je fais vraiment un ou l'autre. Qui sait pour l'avenir, mais... ouais, j'avais très hâte de retourner en fait faire de l'anglo parce que ça faisait depuis 2011, j'avais rien sorti en anglais grâce à cette parenthèse franco qui a duré 4 ans de ma vie. Mm-hmm. Mm. Ce soir, combien de musiciens avec toi? Est-ce que tu es en solo? Non, c'est en band. C'est avec des excellents musiciens. Philippe Brault qui a réalisé le disque, qui est à la basse. Sam Joly qui joue avec Fred Fortin d'ailleurs et Marie-Pierre Arthur. Et Guillaume Doiron, guitariste de Denis Bélanger. C'est vraiment la crème de la crème. Là, des très bons musiciens, puis on va, ouais, ça va lever quand même. Est-ce que tu vas piger là cette fois dans d'autres albums, ce qui donnera un spectacle bilingue, ou on se concentre sur l'anglais? Non, ce soir? Je me concentre vraiment sur le nouveau disque, vu okay. qu'il y a 20 chansons, d'essayer ouais. d'en faire le plus possible. Et puis on fait quand même une chanson dans le répertoire franco. Mais sinon, on se concentre vraiment sur le nouveau disque, qui est très amusant à jouer. Mm-hmm. Et qui est encore tout frais, hein. C'est sorti à l'automne dernier, ça ouais, va avoir ça fait même pas un an. Ouais, c'est ça. Et il y a un vidéoclip aussi qui est disponible en ce moment sur ta page Facebook, publié tout juste hier. Ouais. Little Yellow Heart, tourné à Los Angeles. Mm-hmm. D'ailleurs, pourquoi être allé si loin pour ce vidéoclip? Ben moi, en fait, je suis allé à Los Angeles ouais. Faire un spectacle et voir des amis, de la famille. Et puis j'ai passé 3 semaines, et puis en même temps, ben, on a débloqué un petit budget avec le réalisateur qui est descendu. Lui est descendu en voiture, nous rejoindre avec sa caméra. Puis on a décidé de tourner dans Joshua Tree, puis avec mes nièces aussi que je joue dans la vidéo. C'est un truc de famille. Ouais. Et de très très belles images, évidemment. Vraiment. À ce moment-ci de l'année, ben, même en hiver, ça fonctionnerait très bien. Mais je veux dire, à un moment où si on a envie d'évasion. Ça fait du bien de voir des images comme celle-ci. Vidéoclip, on le voit, on parle de disques physiques qui ne sortent plus, mais par contre, le vidéoclip continue d'être encore bien présent sur Internet pour les artistes. Toi, ça prend quelle place par rapport à tes chansons? Beaucoup, beaucoup de place. En fait, quand j'ai décidé de sortir l'album double, je me suis dit ça va prendre beaucoup de visuels pour aller chercher l'attention des gens, aussi pour donner vie à certaines chansons. Parce que c'est ça, on peut se perdre facilement avec juste un single, puis avec 19 autres tunes. Mm-hmm. Alors, c'était important pour moi de faire au moins le 2/3 de l'album, sortir un truc live ou un vidéoclip. Alors, on s'arrange avec ce qu'on a, puis on fait des très beaux, du très beau contenu. Alors voilà, c'était primordial de faire le plus de contenu de vidéoclip possible pour l'album. En fait, je pense qu'on m'a même annoncé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, que j'étais l'artiste audiogramme qui avait le plus de clips pour un album. Ah oui. Alors, on est rendu à 10 déjà. Quand même, effectivement. Mm-hmm. Mais 20 chansons, c'est généreux sur un album. Ça ouais. se fait de moins en moins, quand même. Toi, pourquoi être allé jusqu'au bout? Il y a un concept aussi autour de cet album. Ouais, c'est ça. Il y a 2 chapitres de ma vie. Le chapitre Blondie, puis le chapitre Backstabbers. Alors, je ne pouvais pas vraiment entremêler ces chansons-là. S'il y avait eu 10 sujets différents, oui. Mais d'en avoir 2 aussi, il y a vraiment une ligne qui sépare les deux. J'avais 35 chansons, j'avais tellement de matériel, ça allait de soi, il fallait absolument que je fasse un disque double. Pour le mieux ou pour le pire, c'est ça ce que je présentais, ce que j'offrais. Mm-hmm. Et tout le monde a été super emballé. Ça faisait du sens, en fait, il n'y avait aucune autre façon de le faire. Et quand on parle d'un album aussi concept, justement, quand vient le moment de le mettre sur scène, on ne peut pas forcément tout jouer, surtout en contexte de festival. Je pense que tu es limité à 1 heure ce soir. Ouais, 1 heure. Alors, est-ce que les choix sont difficiles à faire au moment de choisir les chansons? Oui et non. En fait, heureusement, les chansons sont très courtes sur l'album. Alors, on peut se permettre quand même de faire un généreux setlist. Donc ça te permet de jouer presque l'entièreté de l'album? Je dirais, en tout cas, au moins un genre de 2/3 de l'album, ouais. Jason, c'est quoi ton rapport avec le public de Québec? Hein? Les artistes nous parlent toujours d'un rapport particulier. Est-ce qu'il l'est pour toi aussi? Ben, j'adore Québec. En fait, il y a même Arnaud qui est ici, un des organisateurs, qui c'est la première personne qui m'a accueilli à Québec il y a très longtemps, il y a une douzaine d'années, chez Jolanine Cassie. Et puis, c'est grâce à lui. Il est content. Ouais. Il y a un microbe, mais il est content. Alors voilà, c'est une très belle. J'ai toujours des beaux souvenirs des spectacles à Québec. Ça fait, j'imagine, une dizaine de fois que j'y joue. Puis voilà. Et le dernier passage, c'était au théâtre Petit Champlain, oui, en début d'année. Exactement, si ouais, au mois de janvier, je crois. Donc un tout autre contexte pour ce spectacle ce soir. On le rappelle, 17h, je ne vais pas te retenir plus longtemps parce que les minutes sont comptées. Merci beaucoup, Jason Bajada, d'être Merci venu infiniment. Nous voir. On va écouter un extrait de l'album, justement. Voici Backstab Me. Jason Bajada avec Backstab Me à CKRL 89.1. Je rappelle qu'il sera à 17h à la scène FIB. Alors, il vous reste 35 minutes pour y aller. C'est gratuit en plus, donc vraiment aucune excuse pour découvrir tous ces artistes qui jouent sur les scènes gratuites du Festival d'été de Québec. Et c'est le moment pour nous de faire un petit point sur le déroulement du festival avec nul autre que le bras droit de Louis Bélavance, directeur de la programmation, mais non des moindres, Arnaud Cordier. Salut. Qui est programmateur au Festival d'été de Québec. Comment ça va, Arnaud? Parce que je sais qu'il t'est arrivé des petites péripéties ces derniers jours. Ah, ben, mon corps m'a allègrement lâché pendant le spectacle de Beck. Okay. Ce qui fait que ça a commencé très, très, très bien. Et puis, vers 22h06, heure exacte, heure de l'Est, Arnaud est reparti chez lui avec un transport parce qu'il pouvait plus. Et fièvre et compagnie. Fait qu'hier, j'ai dormi 10 heures dans la journée. Fait que j'ai pas vu le festival d'été hier pour la première fois depuis je sais pas combien de temps. Et voilà, me revoilà, toi, d'entre les morts, je suis revenu et je vaincrai éventuellement. Mais oui, mais ça fait partie aussi de l'organisation du Festival d'été de Québec, gérer tous ces rebondissements. L'annulation d'Avenged Sevenfold, par exemple, en fait partie. Ouais. Mais émotionnellement, pour vous, organisateurs, c'est quand même toute une gestion aussi. Oui, c'est une gestion, et puis c'est surtout que littéralement, en termes d'heures, si je reprends le fil des événements, ça, en 24 heures, on a réussi à régler ça et en bon français à patcher quelque chose de gros par quelque chose de très très bien quand même. Évidemment, c'est un remplacement, ça n'est jamais la meilleure des solutions, et t'espères toujours avoir le meilleur remplaçant pour la case qui est vide. Et puis je pense qu'avec Alexis on Fire qui justement avait fait une tournée d'adieu et qui n'était pas passé par Québec, et tant mieux finalement, parce que les voilà. Je pense qu'on a réussi un coup de maître, ça serait très présomptueux de le dire, mais un bon coup quand même vu les circonstances. Et voilà, oui, ça fait partie. Ça allait très très bien jusque là en fait. Je t'avouerai que on avait un carré d'as en termes de festival. C'est que tout allait bien, l'organisation impeccable, et puis pas de grosses annulations. Donc c'est normal. Il y en a toujours chaque année. Je veux dire, Joseph Edgar qui se fait opérer une semaine avant son passage, on peut rien faire. Même chose pour Bullet for My Valentine qui décide. On sait toujours plus ou moins pourquoi, et leur tournée canadienne, il l'annule. Donc des petits trucs comme ça, mais ça arrive vraiment vraiment pas trop souvent, en tout cas ça n'est pas arrivé souvent cette année-ci, et tout allait bien, et puis badaboum, et en même temps tu sais quoi, ça prouve simplement qu'on fait du showbiz, puis dans le showbiz il n'y a pas de règles. Effectivement, et ça peut arriver à tout moment. Donc ouais. Alexis on Fire, 21h30 ce soir, pourquoi il faut aller les voir, Arnaud, pour tous ceux qui ne les connaissent pas, qui avaient peut-être prévu d'aller voir Avenged Sevenfold, mais qui ce soir dit bah, je ne sais pas trop si je vais y aller finalement. Alors c'est certain que dans le son on est un peu différent, on va plus tendre vers le punk, metal, hardcore, que le métal en tant que tel à la Avenged Sevenfold. Moi je t'avoue que je préfère quelque chose comme Alexis on Fire. Tu sais, depuis 2002, bon, ils sont là. Dallas Green a aussi son projet City and Color, donc chanteur reconnu qui a déjà fait le festival aussi, qui est quand même connu même aux États-Unis. Alexis on Fire, ils choisissent aussi leur festival. Ils étaient à Donington pour le Download Festival, un des plus gros festivals métal punk en Europe, le 30 juin. Ils choisissent vraiment leurs sorties parce qu'elles sont de plus en plus rares. Ils ont fait vraiment une tournée canadienne d'adieu il n'y a pas longtemps aussi. Et donc, c'est un groupe phare dans le genre. Et finalement, on se retrouve à voir Silverstein, puis Atreyu et Alexis on Fire. Et c'est le genre de line-up qui fit quasiment plus finalement qu'avec Avenged Sevenfold. Donc, c'est pour toutes ces raisons, je pense qu'ils vont donner un très très bon show. Il y a deux jours, ils ne savaient même pas qu'ils viendraient ici. Mm-hmm. Ils se sont rassemblés en quatrième vitesse. On a bien travaillé avec leur agent aussi, qui a été hyper réactif. Et en quelques heures, ça s'est réglé. Et juste pour ça, je leur soulève mon chapeau, parce que je dis merci d'être là. C'est très cool. Et je pense qu'il y a des gens de Québec qui vont y gagner. Évidemment, il y aura toujours des mécontents. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'en peut vraiment rien. Donc, si c'était de notre faute, franchement, je serais amende honorable. Mais là, non. Et je vous invite à aller lire l'article du Journal de Québec sur les dernières 24 heures qui ont été passées pour remplacer Avenged Sevenfold, où on nous raconte qu'il n'y avait pas d'éclairage sur cette tournée, il n'y avait pas d'équipe, on a rassemblé le groupe, bref, on a vraiment fait des pieds et des mains pour les ramener ce soir à Québec. Donc oui, on peut croire que le groupe sera très heureux de jouer sur les plaines ce soir. Ils connaissent bien Québec aussi, fait que ça tombe bien. Ça aide quand même pour programmer un remplacement. Oui. On va parler de la suite de la programmation, Arnaud. Tu restes avec nous. On va faire une petite pause, puis on va revenir avec un petit bilan de parcours sur ce Festival d'été de Québec. Reste avec nous. Sortie culturelle. Cultural journey. Excursion culturelle. Gita culturale. CKRL 89.1.

en tout cas quelque chose du côté du Québec, quelque chose comme ça. Enfin bref, surveillez vos plateformes web et notamment celle du Festival d'été de Québec. Et donc oui, c'est devenu vraiment. Écoute, il y a des moments historiques dans les pop-up, que ce soit le premier, un des premiers avec Lisa Leblanc sur le toit du Brixton sur la rue Cartier, et comme Claude Bégin sur le traversier Québec-Lévis, c'était assez drôle. L'église qui se trouve sur Grande Allée avec Alfonouane où ça a été la folie raide. I am en face de l'Impérial pour un block party d'enfer, je m'en souviens encore comme c'était hier. Je pourrais, c'était malade. Voivode dans une ruelle à côté d'une knockout l'année passée, c'est toujours un peu foufou et puis en même temps ça se passe. Qu'il y ait beaucoup ou pas beaucoup de gens, il y a quand même quelque chose qui se passe et voilà, donc ça sort un peu de. La plupart maintenant des organisations essaient d'en faire aussi. Après ça, notre spécificité, c'est que je pense qu'on est vraiment, on est vraiment organisé comme une machine, mais dans le bon sens du terme. Les groupes aiment beaucoup ça. On les organise, on les transporte, et voilà quoi. Donc on est vraiment rodé à fond, et comme toute organisation de toute façon. Oui, les artistes soulignent beaucoup l'organisation du Festival d'été de Québec. Bustin The Bay se redisait aujourd'hui, ils nous disent tous les artistes doivent vous dire ça, mais c'est vrai, il y a très vraiment fort. Quelque chose. Mais c'est quoi? C'est l'expérience, c'est la longévité du festival qui fait que vous êtes mieux rodé aussi au fur et à mesure? Il y a ça, c'est des équipes qui sont aguerries, mais c'est surtout qu'en fait, je dirais que, tu sais, nous, ce qu'on veut, c'est que, on n'est pas Montréal, on n'est pas Toronto, on n'est pas les autres villes, et tant mieux d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est spécifique, c'est que, il faut qu'on apporte un supplément d'âme à tout. C'est-à-dire que ça soit l'accueil, que ça soit l'expérience pour le festivalier, l'expérience donc des artistes, de nos partenaires, des journalistes qui viennent nous voir aussi, des agents qui viennent nous voir, tout l'aspect professionnel aussi qui nous sert à l'année. Et je pense que c'est un peu pour ça qu'on met un peu on met les bouchées doubles en fait pour que les gens qui ressortent d'ici se disent ok, je me suis pas déplacé pour rien, oh waouh, c'est une belle expérience, c'est génial. Donc en fait on essaie de créer en fait une opération charme avec quiconque qui touche à ce festival, et je pense que honnêtement je vais être terriblement chauvin, un peu comme si la Belgique avait gagné la finale de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que je pense qu'on bat, mais de loin, toute organisation à Montréal, que ça soit les Franco, le Jazz au Cheaga. Et je le dis haut et fort, et c'est des copains, c'est pas ça, mais vous êtes derrière les mecs. J'attends les réactions avec impatience. Mais Arnaud, parlons de la Belgique aussi, puisque c'est là d'où tu viens au départ. Ouais. Les groupes belges sont quand même, ont toujours leur petite place aussi au Festival d'été de Québec. Cette année-ci, plus que jamais, en fait. Oui, hein, c'est ça. Il y avait Pearl Grey. Ouais. Il y a eu Mélanie Debiasio sur le premier soir, la soirée jazz que j'adore. En plus, c'est un hasard, mais elle vient quasiment de ma région. Et puis, j'adore cette chanteuse jazz, mais ça transcende un peu le jazz. C'est vraiment excellent. Après ça, la Chiva Cantiva, quand même, parce que c'est des Colombiens, mais ils habitent à Bruxelles, puis c'est des Belges. Mais bon, bref, c'est un bon mix. C'était beaucoup plus rock cette année. C'était vraiment très, très chouette. J'ai vu des gens danser à fond. Pearl Grey, oui, effectivement, viennent de Liège, mais ils ont un bon buzz en Belgique et ils jouent aussi en France, en Hollande. Indie pop, très, très harmonie vocale, ça. Et puis Girls in Hawaii, j'ai reçu un mail du manager aujourd'hui, puis bon voilà, c'était j'aurais parlé évidemment après le show, c'était les étoiles dans les yeux, encore maintenant c'est ce qu'ils m'ont dit. L'organisation, ils ont été scotchés, jouer sur une scène comme ça en plus avec Phoenix et Beck, mais c'est quand même un groupe qui dimanche va jouer devant 25 à 30 000 personnes dans un festival qui s'appelle le Festival de Dour et qui en Belgique fait des 2 500-3 000 places. Donc c'est pas rien, je t'avouerai, et les avoir là, ils sont venus juste pour nous, et ils sont allés aussi, ok on y va, font pas d'argent avec ça, hein, je vous rassure. Pas du tout, ils vont en ressortir peut-être avec un moins 1 000 peut-être, mais ils ont voulu, on a voulu, c'était pas, j'avais essayé de les avoir avec Interpol, ça avait pas marché, mais là ils étaient vraiment contents quoi. Et ils ont fait un excellent show, le public était là, ont vraiment beaucoup aimé. Ça a été une découverte pour quelques personnes que je connais aussi. Mm-hmm. Et je l'ai fait parce qu'ils sont bons. Hein. Et puis effectivement, faut jamais oublier d'où on vient. Et quand il y a du bon stock, faut essayer de le faire connaître. Mais oui, il y a ce matériel qu'on te propose. Alors, ce matériel, il y a ces artistes qu'on te propose, ouais, quand tu vas voir des vitrines à l'international aussi. Mais en vitrine, les artistes sont déjà présélectionnés. J'imagine que toi, tu essaies de te tenir à l'affût de ce qui se passe en Belgique aussi, ou pas spécialement? Comment non, ça fonctionne? Non, je ne fais pas Focus Belgique non plus à ce point-là. Non, je sais, mais pour te tenir informé de ce qui se fait, par exemple. Ben, c'est, en fait, tu parles avec des amis, tu parles avec des programmateurs. J'ai des amis programmateurs de festivals qui marchent beaucoup là-bas, donc on s'échange beaucoup d'informations. Et après ça, que ça soit pour des petits groupes aussi. Tu sais, un groupe comme Altingen, je le connaissais, j'avais pas vu en vitrine. Finalement, je les ai vus au mois de décembre dernier. C'était déjà booké pour le festival et j'étais content de les avoir vus et de me dire qu'est-ce que ça va être bon quand ils vont venir. Et puis, cette bande de joyeux lurons ont fait vraiment deux sets avant Jet Water, puis sur la scène FIB, c'était vraiment super bon. Quoi. Sérieusement, ça a été un gros coup de cœur pour beaucoup de personnes aussi que je connais. Et ça, c'est des cartes cachées qu'on aime sortir et qu'on a les moyens de faire. Évidemment, ça prend aussi des grosses têtes d'affiche pour pouvoir se permettre ce genre de petits risques. Mais en même temps, waouh, c'était super. Quoi. J'ai encore plein d'images dans ma tête. J'aurais voulu voir un peu plus de spectacles, mais je t'avouerais qu'à un moment donné, bon, le temps est ce qu'il est. Mais j'ai vu quelques trucs vraiment super bons. Quoi. Et en parlant aussi d'artistes locaux, on voit qu'il y a un point déterminant quand il passe au Festival d'été de Québec. Charlotte Cardin, Parc de la Francophonie, sur complet. Ouais, ouais. Hubert Lenoir, il y a une foule qui déborde aussi. Ouais. Ça, c'est des artistes du Québec, mais quand ils passent au Festival d'été de Québec, il y a un moment spécial qui se crée aussi. Oui, absolument. De toute façon, ils vont s'en souvenir longtemps, c'est clair. Bon, Charlotte, c'est je t'avouerai que c'est quand même un peu facile de faire Charlotte, mais c'était nécessaire de faire Charlotte. Hubert, après ça, la réaction, je ne m'attendais pas à ça. Un excellent show de Patrice Michaud, je pense qu'il faut le souligner, qui a une carte blanche qui va rester dans les annales du festival parce qu'il a vraiment hyper bien utilisé le terrain de jeu qui était cette scène-là, avec la lumière, avec la vidéo, avec les invités, l'humeur, les musiciens, tout était là, le bon temps, un beau public finalement, tu vois, et lui, tu sais, il sort de cette aventure-là en se disant j'ai fait un des shows de ma vie, quoi, parce que c'était une sorte d'un terrain de jeu, puis c'est rare qu'on puisse offrir ça à des artistes québécois, et donc là, avec cette carte blanche qui va en revenir l'année prochaine et qui sera totalement différente, bon, ben voilà, je veux dire, c'est le rendez-vous. Vous êtes là. Je tiens aussi à souligner des trucs comme LAF, que j'ai vraiment adoré, comme l'ami Dany Placard qui a fait un set solide. C'était excellent. Franchement, il y a plein de choses comme ça. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Fudge, waouh! Donc, c'est ça, je veux dire, ponctuation, génial. C'est tous des groupes qu'il faut absolument suivre, qu'il faut absolument aider aussi, parce que c'est jamais évident. Et d'autres groupes locaux, j'ai Casual Rights en ouverture de la soirée War on Drugs, qui pour l'instant, War on Drugs, c'est mon spectacle du festival. Casual Rights qui en ont mis plein la face pour les gens qui étaient là, et il y avait déjà une belle crowd en plus. Donc voilà, c'est plein de moments comme ça qui me font dire que soutenir le local, tu sais, il y a le t-shirt je bois local, mais moi je pense qu'il faut j'écoute local aussi. Je pense que c'est super important et on va toujours être là pour éventuellement pousser tantôt, tant qu'on a les moyens de le faire. Puis on a un événement qui s'appelle Saint-Roch Experience au mois de septembre. Vous allez voir la programmation. On a encore un samedi complet où cette fois-ci on a 14 groupes de Québec. Et on va avoir 10 groupes du Canada, Québec aussi la veille. Donc encore une fois, je pense qu'on ne pourra pas nous dire qu'on ne soutient pas le local. Et ça sera toujours, je pense, là, pour rester en tout cas, tant qu'on aura les moyens de le faire. Ça Rock Experience, on se déploie encore dans des lieux insolites pour faire jouer ces groupes locaux? Absolument, même peut-être formule. Un peu plus, on va peut-être agrandir un peu le périmètre, toujours sur la rue Saint-Joseph. Mais ça reste l'essence même finalement du projet en tant que tel, avec la bouffe, avec la boisson, famille, voilà, donc ça va bien se passer, je pense. Et cet événement-là est à la mi-septembre. Mi-septembre. Donc on sort à peine du Festival d'été de Québec, on se rembarque dans un grand événement. Moi, quand je même, suis du là-dedans. Quartier. Moi, t'es déjà là-dedans. Mardi, je suis sur Saint-Roch, quoi. Tu vois, donc parce que il faut continuer. Et après Saint-Roch, je m'écroule, puis après ça on voit. C'est ça, mais un été bien chargé, bien sûr. Tu parlais de ta navigation à travers les scènes, aller voir le plus de spectacles possible. Toi, quels sont les détails que t'aimes regarder pendant les spectacles? Moi, j'aime ça voir en fait la réaction des gens. Ça, c'est déjà une chose. Voir comment le groupe se défend, si on a fait une erreur ou pas. J'aime voir les gens aussi. J'aime beaucoup voir les familles. J'aime beaucoup voir des enfants. J'aime beaucoup voir des gens qui ont peut-être pas les moyens de s'acheter le ticket, mais qui profitent de leur festival. Tu vois, sur la Tiva, quand tu vas, tu sais, je regardais les gens qui avaient le bracelet. Enfin, nous, on recommande de l'avoir, mais c'est pas obligé sur la place Youville ou ni sur Feb. Tu sais. Mm-hmm. Puis il n'y en avait pas beaucoup qui l'avaient. Et puis, ça m'a fait plaisir. Je veux dire, c'est cool. C'est cool parce qu'il faut que ça soit démocratique aussi. Et c'est ce genre de détails-là où. Puis l'interaction, le groupe envers le. Est-ce que c'est un groupe qui est content d'être là ou pas content? Quand c'est un groupe qui est. Admettons, je ne suis pas au spectacle. Évidemment, je demande à mes responsables de site, est-ce que tu as vu ça? C'était quoi les gens? Il y a eu du monde, pas du monde? Parce que je ne peux pas tout voir. Je demande à des amis, tout ça, comment c'était. Évidemment, je suis très déçu quand quelqu'un me dit, j'avais pas envie d'être là. Il y a un groupe qui s'appelle Partner. Ça n'avait pas d'allure, en fait, apparemment. Alors que moi, j'y croyais. Et que sur album et comme ça, oui, puis ils sont venus en dilettante, ils ont fait un mauvais show, c'était mauvais. Mais c'est fini pour eux, en tout cas pour un certain temps, pour moi, ce qui me concerne. Donc, tu sais, moi, j'oublie pas. Même si je suis pas au show, je sais exactement. Fait que, ou des groupes qui viennent, qui sont censés jouer 60 minutes, qui en jouent 40, qui en jouent 35, qui en jouent 32, pour moi, c'est out. Fait que. Ça arrive vraiment souvent? Oui, beaucoup, sur Fib. Fait que ouais. et moi j'ai un carnet noir et puis je m'en souviens très très très longtemps. J'ai une grande mémoire. Mais pour la satisfaction des festivaliers, c'est ça, dans le sens que tu joues, je t'engage pour 60 minutes, tu joues pas 32. Tu joues admettons 55, 52, j'accepte. Mais après ça, on peut pas arriver en disant tu remontes sur scène, tu me refais la même. S'ils ont que ça, mais il faut qu'ils nous le disent qu'ils ont que ça, tu te comprends? Être honnête. Fait que, ouais, exactement, que ça soit les têtes d'affiche ou pas les têtes d'affiche, il y a des gens qu'on va plus jamais réinviter, même des têtes d'affiche de pigeonniers, je veux dire. Parce que c'était pas bon, parce qu'ils ont pas fait un bon set, parce qu'ils étaient pas gentils, parce que surtout ils ont pas fait ce qui était dans le contrat. Donc, j'avoue, je suis un peu revanchard. Et débordé dans l'autre sens? Oui, en faire oui. Plus, ah, déborder dans l'autre sens. Non, mais déborder dans l'autre sens, c'est génial. Tu vois, Glass Tiger, yeah, ils ont joué beaucoup plus longtemps. Il y a des cas comme ça où on veut jouer plus. Ben, on joue plus. Tu sais, avant, à 11h, je pense que tu n'étais pas au Québec à ce moment-là. Avant, à 11h, il y avait une musique qui partait au festival d'été. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Fait que si tu étais au milieu d'une chanson, c'était ta-ta-ta-ta. Fait que, et là, maintenant, tu sais, la ville était cool avec ça. Fait qu'on peut dépasser largement le temps qu'il aurait imparti, finalement. Donc, ça, bravo, merci, c'est cool. Fait que, évidemment, faut pas non plus exagérer, mais c'est 2h30 de Foo Fighters. À la base, on aurait signé pour 2h max, tu vois. Mais ils nous ont demandé 2h30, ce qu'on peut faire. Bah ouais, la ville a dit oui, fait que... Personne n'a osé refuser. Bah non, j'espère. Et les festivaliers s'en souviendront longtemps. Ouais. Est-ce que vous avez eu peur pour la pluie à Foo Fighters? Non, on savait que ça arrêterait. On savait qu'il y aurait de la pluie. Tu sais, les radars, c'est... chez nous, c'est précis. Tous les jours, on regarde, tous les jours. Aujourd'hui, on sait qu'il allait faire ce temps-là. Normalement, il pleuvra pas ce soir, mais il va faire une chape de plomb dessus. Mais normalement, il va pas pleuvoir ce soir. Et demain, il pleuvra pas. Fait qu'on aura eu un festival nickel. Franchement, on a été très chanceux cette année. Je m'attendais pas à ça. Mais on est allé avec l'équipe de programmation, on est allé à genoux de ici à Sainte-Anne-de-Beaupré. Voilà, on a fait. C'est comme un film de Bernard Raymond. Le secret, c'est exactement ça. Il faut y croire, il faut croire en quelque chose. Arnaud, on s'est croisés pendant le Festival d'été de Québec, malgré que tu es partout. Mais à Sex Machine, qui a joué deux fois aussi pendant le festival. Et là, je t'ai vu heureux. Justement, tu étais aux côtés de Jean-Claude Anto, qui est l'un de nos chroniqueurs. Et je t'ai vu avec le grand sourire. Puis il y avait une émotion spéciale qui se passait. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux. Je les ai vus deux fois avant. Je les ai vus il y a 2-3 ans au Trans de Rennes. Je t'avouerai, j'avais plus ou moins aimé ça. Puis, une année après, je les vois dans un festival assez exotique, très exotique. Au milieu, ça qu'il faut sur l'île de Réunion. Puis, là, il y avait une petite foule de 150 personnes. Ils se sont jetés dans la foule. C'était festif. Tu me diras, le cadre était incroyable. Mais là, je les ai retrouvés. Je dis, ah, waouh, c'est cool. Et le gars qui s'en occupe, en fait, l'agent, Sébastien, qui est le tour manager aussi, il me dit, ouais, franchement, ça serait cool qu'on aille chez toi. J'ai dit, écoute, là, tu m'as convaincu. On fait tout pour que ça se passe. Et finalement, j'ai rallié deux autres partenaires, le Festivois, la Noce. au Saguenay pour qu'ils aient quatre dates, quoi, tu vois. Montréal, ils ont pas voulu les faire. Ils ont boudé. Finalement, ouais, ok, on les ferait. Ben non, mais c'est trop tard, mon grand. C'est fini, c'est cagné, ils peuvent plus. Donc si tu veux, ils sont trouvés avec quatre dates. Ils m'ont fait confiance. C'est encore pas des gens qui vont faire beaucoup d'argent avec cette tournée-là. Mais ils sont arrangés pour aller chercher de l'aide, pour avoir des billets d'avion. Ils étaient ultra contents. Le message après ça, le lendemain, fait waouh. Merci. Puis ils ont sympathisé beaucoup avec les hôtesses d'Hilaire aussi au Saguenay, autour de bière et d'autres substances. Puis, écoute, je pense qu'ils se sont fait beaucoup d'amis sur leur passage. La réaction du public était bonne, mais je le savais. C'était certain que les gens de Québec allaient aimer ça. Je disais, c'est le style pour les gens de Québec aussi. Fait que, oui, tu sais, gros cheese, quand tu vois que ça marche, tu me demandais, mm-hmm. qu'est-ce que je vérifie? Ça marche pas. T'sais, parfois, ça marche, il n'y a personne, mais bon, moi, je peux pas pousser le monde à aller voir. Mm-hmm. Mais là, c'était vraiment un sourire de satisfaction qu'ils se cassent les. Bon, à venir, à investir, à y croire et de. Et voilà, quoi. Je veux dire, Festival leur a déjà dit, écoute, on vous a mal placé, on va essayer de se reprendre le plus tôt possible. Voilà, c'est des belles histoires. Et en plus, c'est ça, ça donne lieu à des tournées. Donc, ouais. Même ces quatre dates, les groupes internationaux sont bien contents de venir quand même. C'est ça, même si. Et moi, j'aime ça, les petits groupes qui prennent un risque aussi avec nous. Fait que, il y en aura encore probablement l'année prochaine, c'est clair. Alors, un petit clin d'œil à cette soirée avec Sax Machine. On va écouter Breathing In. Seen in the step, steaming the chest, dreaming the hand, scream at the man, jeans with a little press, scream with a little more, mean what your middle meant, reach just a little more, see how the riddle bent, see how we rivet seems how we risen steam, now we live in dreams by the means that the giver sent, given sense, in a sense, live, let live, no innocence, innocent, you can smell just how driven then. It's wrong, it's here, it's nothing new, what's wrong, what's right, adjust the view, what's off, what's up, what's going here, so leave the net. It's on, it's here, it's nothing new. What's wrong, what's right, there's just a few. What's off, what's up, with living in. What's going here, so leave the net. These fiends and the middlemen give a little ends, divvied up, then spent in the name again. Insane the residents to regain the heaven sent precedence. Pain is the evidence, but still they remain in a better sense. Refrain though they are elements on this plane of our multiverse. Strain to recultivate, aim in a better sense of name for this essence. Yes, name of the second slip of strains, give a lesson in pain. Pressures and pain, let it lessen, maintain an expression to pave destinations. Y'all, stress a great brain, let alone three things while you're hating. Great lanes on the left side, racing off the pace, which we call it. Climb it if you're wisdom, all the climbing is for something. Train to find it while you're running. Remind you how the drumming is the spine of what is bubbling. What's the haps when the bubble don't collapse? When you double dose and rise on another wonder up. Music's not a drug, though the user's got a fun, and the use is lots of fun. Like subs under a stage, fools be moving at the club. Don't refuse it, what is love? If the user is a scrub. It's on, it's here, it's nothing new. What's wrong, what's right, adjust the view. What's off, what's up, we're leaving in. What's going here, so leaving in. It's on, it's here, it's nothing new. What's wrong, what's right, adjust the view. What's off, what's up, we're breathing in. What's going here, so leaving in. Sax Machine qu'on vient d'entendre, qui a été de passage au Festival d'été de Québec. On va remercier Arnaud Cordier qui est venu nous voir. Un grand plaisir. programmateur au Festival d'été de Québec. Un dernier mot pour cette dernière ligne droite du festival à tous les festivaliers qui nous écoutent. Il reste encore un petit 48 heures de show. Venez, il va faire bon. Dave Matthews, c'est de la visite rare. Vraiment, sérieusement, si vous avez écouté déjà une tune dans votre vie, venez voir parce que vous ne le reverrez plus après non plus. Franklin Electric à l'Impérial, la tornade brésilienne, comme j'aime le dire, Flavia Coelho sur la place Youville. Sérieusement, allez la voir, elle est impressionnante. Sérieusement, et toujours la scène Fib aussi, c'est gratuit. Allez vérifier de quoi ça a l'air. Arnaud Cordier, merci beaucoup. Bonne merci fin de festival. Et puis moi, je le reverrai lundi pour le bilan du Festival d'été de Québec. J'attends ça avec impatience aussi. Ouais, moi aussi. On va. La longue vie, c'est KRL. Merci, Arnaud. On va retrouver dans quelques instants notre prochain groupe invité, Twice on Tuesday. On va écouter un extrait de leur EP tout juste sorti. Voici Monday Morning. Sweet Jesus, no. It's Monday morning and I can't stop snoozing. Oh, I can notice. On vient d'entendre un extrait de Twice on Tuesday, Monday Morning à CKRL 89.1. Le groupe jouera au Festival d'été de Québec à Lanty demain soir, 17h. Donc l'un des derniers spectacles à Lanty, que vous ayez votre laissez-passer ou non d'ailleurs, parce que avec le laissez-passer vous rentrez tranquillement, sinon c'est 10$ à la porte. Pour vous en parler, je suis avec un des membres du groupe, Antoine. Bonjour Antoine. Moi c'est Vincent. Pardon, mais excuse-moi. Bonjour. Antoine, c'est l'un des membres du groupe. C'est le drummer quand même. Antoine. Ouais, c'est ouais. Ça. Vincent. Parle-nous un peu de Twice on Tuesday. Vous avez une esthétique très, a priori, années 60 sur les visuels. Vous êtes dans un diner américain. Mais ouais. En fait, quand on entend ce qu'on vient d'entendre, c'est loin d'être doux, là. Ouais, ben, c'est plus vieux pop-punk début années 2000. Puis pour ce qui est du cover de l'album là, dont tu fais référence, en fait, c'était un concept qu'on a essayé. Puis, vous êtes pas resté là-dessus? Non, mais on s'est dit fallait bien faire de quoi avec ces photos-là. Puis finalement, ben, on a quand même eu des bons commentaires là, par rapport au cover du CD. Fait que on est content. C'est attrayant hein, pour tous ceux qui aiment cette époque-là. On est curieux, on va écouter, puis on se dit ah tiens, la musique est assez différente du visuel. C'est ça. On joue pas du rockabilly. Le groupe a été fondé en 2015. Oui, j'étais pas là dans ce temps-là. Ok. Mais oui. Ben, raconte-nous comment tu as rejoint le groupe Twice on Tuesday. En fait, moi, je viens de Gatineau, puis je suis arrivé à Québec il y a 4 ans, puis je connaissais pas grand monde, fait que je suis allé sur Kijiji, puis je les ai trouvés. Dans ce temps-là, la composition était pas pareille. En fait, au drum, c'était Bradley, qui est présentement notre chanteur, et Oli était le chanteur, qui est présentement notre guitariste. Donc, c'est ça. Moi aussi, je suis guitariste, on est deux guitares. Bradley, maintenant, est au chant et à la basse. Et Antoine, le membre le plus récent du band, est au drum. Et il fait une très bonne job. Donc, c'est drôle que tu parles de Kijiji, parce que ça arrive souvent que des artistes nous disent « on s'est trouvé comme ça ». Oui, on pense toujours à Kijiji pour revendre sa laveuse ou son ordinateur, mais pour jouer dans un groupe de musique, il y en a beaucoup, des annonces de recherche chanteur, recherche batteur, etc. Exactement, dans la section communauté, là, vous cliquez sur « artiste », puis on a l'embarras du choix. Ça doit être un peu stressant la première fois qu'on rencontre, parce que musique est mille et une choses qu'on peut faire avec un groupe. Ouais, mais honnêtement, avec eux, dès la première fois, j'étais bien à l'aise. Après la pratique, on a joué à PlayStation. C'est vraiment cool. Fait que non, c'est... Ça a tissé des liens dès le début. Ouais, là, ça doit faire un bon 2 ans là, qu'on roule ensemble. C'est ça. Ça va quand même assez bien. Vous avez sorti un EP depuis aussi, 5 chansons, dont celle qu'on vient d'entendre. Oui. Pourquoi s'être lancé alors dans le EP? Vous aviez envie d'enregistrer quelque chose? On en a déjà sorti un il y a une couple d'années, Bite Size Bullshit. Puis là, il fallait juste qu'on sorte de quoi d'autre. Là, un moment donné, faut pas surfer sur la même affaire. Puis aussi, ben on était inspiré puis tout ça. Puis je pense que aussi notre style musicalement a évolué. On est quand même resté dans le même style, mais musicalement, je trouve que c'est meilleur. Même si j'adore le premier EP, là, puis aussi au niveau des paroles, je trouve que c'est très vrai, très authentique, donc on est très content du résultat. C'est très rock, hein, comme on vient de l'entendre, mais il y a une version acoustique aussi, la dernière chanson, ouais. So Called the Friends. Ouais. Est-ce que vous aimez jouer entre les deux, justement, quelque chose de très dynamique, très pop-punk, comme on l'a entendu, et casser ça avec une chanson plus acoustique? Ben, en fait, So Called Friends, dans le nouveau EP, tu l'as électrique, puis tu l'as acoustique à la fin. Puis on s'est dit, ben, pourquoi pas essayer ça? Je veux dire, Sum 41 l'a déjà fait. Ah oui, pour ne nommer que. Non, mais c'est ça, fait qu'on a décidé de le faire, puis c'est aussi acoustique, on la trouvait bonne. Puis Oli a fait un très bon travail là-dessus, là. C'est surtout lui qui a travaillé la version acoustique. Puis on s'est dit que ça valait la peine, puis de mettre ça à la fin, là, que ça finit en douceur un peu. Là. Est-ce que c'est une version que vous jouez en spectacle aussi? Pas encore, non. Non. Éventuellement. Il faut s'attendre à des moments plus qui brassent plus en spectacle, c'est ça? Oui, c'est ça. comme à l'anti, on la jouera pas acoustique. Non. D'accord. Et Sum 41, parlons-en. Ils jouent demain au Parc de la Francophonie, 21h20. Vous aurez le temps d'aller les voir, alors? J'espère que ce sera pas fermé, là, parce que j'ai entendu dire que... C'est où, là, qu'ils jouent au Pigeonnier? Oui, Parc de la Francophonie. Donc, j'ai entendu dire que ça se remplissait vite. Fait que j'espère pouvoir me rendre, surtout que... Bon. Juste pour demain, j'ai une passe gratis. Là, fait que... Oui, les artistes qui jouent le jour du festival où ils jouent, ils ont l'accès à toutes les scènes du festival. Oui, donc non, j'espère pouvoir y aller. C'est sûr que je vais m'essayer, mais bon, on verra. Pourquoi Sum 41? Qu'est-ce qu'il y a qui te plaît particulièrement chez ce groupe-là? Ben, je pense que Sum 41, ben, ça fait partie de nos influences. Puis moi, au secondaire, j'ai écouté ça à fond, comme Blink-182, Newfound Glory et compagnie. Ouais. Donc, parmi les influences, forcément, on a envie d'aller les voir s'ils sont de passage à Québec. Ah, absolument. Alors, parle-nous de votre spectacle Twice on Tuesday, demain. Donc, vous allez jouer les deux EP? Oui, absolument, parce que c'est la première fois qu'on nous donne 1 heure pour jouer. Là, on a fait comme, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait? Parce que une des heure, nouvelles c'est quand chansons même... aussi? On va jouer nos deux EP plus un single qui est sur aucun de nos deux EP et quelques covers, quelques classiques. Sum 41? Non, vous verrez. Ah! Bon, surprise. J'ai mis le doigt ça dessus. Se peut. J'ai mis le doigt dessus, je le sais. Alors, je rappelle, c'est à 17h demain que vous pourrez voir Twice on Tuesday à l'anti, donc, avec le laissez-passer ou 10 dollars à la porte pour vous suivre Facebook, les réseaux sociaux. C'est Facebook essentiellement? Oui, mais sinon, pour écouter, on est sur toutes les plateformes. Dont Bandcamp, par exemple. Absolument, toutes les plateformes. Merci beaucoup, Vincent. Merci à toi, Jessica. Twice on Tuesday. On continue l'émission dans quelques instants avec Gabacho Maroc qui joue ce soir. Restez avec nous. Sortie culturelle. Cultural journey. Excursion culturelle. Gita culturale. Hello, hello, hello, hello.

c'est tout un folklore d'une richesse incroyable, avec la musique africaine, avec le jazz, avec la pop, le reggae, en mariant l'élégance et le festif, c'est ça, ouais. Donc les musiciens sont tous d'origine différente ? Oui, oui, oui. Il y a des Marocains, Algériens, Français, c'est ça. Voilà. Avant, il y avait des Espagnols aussi. Il y a eu un passage d'un Italien. Ça reste pas mal marin et pas mal méditerranéen, ouais, c'est ça. Et comment vous trouvez vos orientations en fonction des morceaux que vous choisissez ? Là, on va peut-être plus aller dans le traditionnel marocain. Là-dessus, comment viennent ces inspirations ? Ouais, le traditionnel marocain offre une grande variété de rythmes, une grande variété de mélodies. Le répertoire gnawa, vraiment, est un répertoire qui a beaucoup de standards, qui a beaucoup de... La mélodie est incroyable, en contrepoint avec le guembri, cette sorte de basse, et ça donne beaucoup de possibilités harmoniques, beaucoup de trucs à exploiter. Ensuite, ce qui aide beaucoup, c'est la différence des musiciens. On a des musiciens traditionnels dans le groupe, des musiciens de jazz, on a des musiciens de pop, et donc chaque personne est compositeur dans le groupe, apporte des idées. Donc ça permet en fait d'avoir une ligne directrice à la fois axée, ce que j'ai dit avant, sur la musique marocaine et les conjuguer avec d'autres folklores ou d'autres rythmes et harmonies, mais aussi ça permet d'ouvrir beaucoup, quoi, d'ouvrir à plein d'idées différentes, quoi. Ouais. L'arabe est bien présent aussi. Ouais, ils chantent en marocain, ouais. Et ça permet de le faire naviguer autrement que par la musique traditionnelle aussi. On le voit avec vos tournées, vous êtes allé à Montréal l'année dernière, vous devez être invité ailleurs aussi. Oui, cette année, oui, il y a Norvège, il y a Italie, Espagne, Mexique, France, Maroc, il y a une dizaine de pays. L'année dernière, il y avait 7 ou 8. C'est un groupe qui marche à peu près partout. J'ai pas encore joué ni au pôle Nord ni sur Pluton, mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder, inchallah, comme on dit. Non, mais ça marche bien partout. Les gens sont très réceptifs à la couleur du Sud. C'est un mariage, je crois, qui est réussi, qui est en constant mouvement, et on parle beaucoup dans le groupe. On aime beaucoup l'improvisation aussi, donc c'est un peu nos bases, ouais. J'imagine beaucoup de percussions sur scène aussi. Pas mal de percussions, beaucoup de chants, beaucoup de cordes, quelques pas de danse. Et pas d'animaux, essentiellement des humains. C'est, voilà. Mais rien que pour quand on parle de musique qui fait voyager, rien que de voir les percussions sur scène, moi, dans ce genre de spectacle, ça m'intrigue toujours, parce qu'il y a toujours des instruments qu'on n'a jamais vus. Oui, là, c'est le cas, ouais. Ouais, ouais, il y a des choses improbables. Même les noms, si tu te dis Gimri, Goni, Bendir, Karkabou, puis là, il y a un djembé, bon, ça, c'est connu, mais il y a aussi l'oud, il y a le sax, il y a le clavier, il y a cinq chanteurs, il y a la basse, la batterie. Ouais, ça fait beaucoup de choses, ouais. Darbouka, des fois, ça fait beaucoup de choses, ouais, dont pas mal de percussions. Mais c'est vraiment axé sur les cordes, les percus, les chants, et tout ça ensuite soutenu par une sorte de combo pop avec clavier, basse, batterie, quoi. C'est un peu ça, pour donner la puissance aussi derrière. Et ça doit piquer la curiosité des spectateurs qui viennent vous voir. Ils ont on me pose la question, c'est quoi cet instrument, c'est quoi le truc que vous agitez là, on peut faire des photos, voilà. Donc après les spectacles, vous prenez ce temps-là pour tutoriel. Répondre aux questions. Ouais, ouais. C'est ça. Non, c'est chouette, ouais. C'est toujours bien, puis ça marche vachement bien avec les enfants. On fait pas mal d'actions culturelles en France, ouais. On a joué dans des prisons, on a fait pas mal de masterclass aussi dans les zones françaises qu'on est à l'étranger, en Colombie, en Équateur, au Mexique, ouais, ça marche beaucoup, quoi. C'est une musique qui prend de suite. Et simple à faire voyager, ouais, c'est chouette, ouais. Et qui favorise l'échange, donc. Alors, pour diffuser un extrait de l'album, tu m'as suggéré quelques chansons, puis j'ai validé en écoutant, bien sûr. Oui. On va prendre Dara, qui est extrait de l'album de Gabacho Maroc, hein, Tawassol, oui. Qui est sorti cette année, d'ailleurs. Alors, pourquoi Dara ? Alors, Dara, je t'ai proposé ce thème-là parce que c'est un truc assez dansant. Et puis, il y a une intervention dans ce thème, qui est de Jean-Philippe Riquiel. C'était l'arrangeur de Salif Keïta, il a joué avec Youssou N'Dour, c'est une personne très connue dans la musique africaine. Il est aveugle de naissance, donc il n'a jamais vu les touches d'un clavier. Et je propose d'écouter ce qu'il fait, c'est extraordinaire en fait. Et son apport est magnifique, le morceau est très très bien composé, donc moi c'est un morceau que j'aime beaucoup. Voilà. Et merci beaucoup Vincent Thomas, je ne te retiens pas plus longtemps puisque c'est dans quelques minutes, 45 minutes, ouais. Exact, à 18h au Carré du Ville, si on veut venir vous voir, Gabacho, Maroc, tout un voyage donc, que vous allez nous proposer, merci beaucoup. Merci, voici salut. Dara. Au revoir. Way. Gabacho Maroc avec Dara à CKRL 89.1. Je rappelle, il joue à 18h sur la scène Hydro-Québec du Carré Diouville. On retrouve Jean-Claude Anto et Tania Beaumont autour de la table pour parler des spectacles qu'on a vus hier soir. Oui, très bel album de Gabacho. Hey, hey. Maroc. Alors, Jean-Claude, mais yes. Quelle grosse soirée hier. T'as encore couru partout, en commençant par Barry Paquin-Roberge, que tu as vu au Carré Diouville, justement. Oui, oui, au Carré Diouville, oui. Ça a bien débuté la soirée. Spectacle haut en couleur, tout en soul et en funkness. Ce trio qui n'en est pas un, puisqu'ils sont sept sur scène. Ils ne sont pas un bureau d'avocats non plus. mais ils peuvent vous assurer de donner un bon spectacle. C'est la formation qu'on ne soupçonne pas d'apprécier et d'aimer. Et finalement, on tombe en amour avec eux. On s'achète la galette, on la met dans la voiture et on a juste hâte à leur prochaine performance. Puis c'est vraiment ça qui se passe avec eux. On se dit, voyons, ça se peut pas que ça soit si le fun que ça. Et c'est pas de la pastiche, c'est pas de la copie, bien qu'ils font une ou deux reprises dans le spectacle. C'est vraiment aller chercher ce son-là, si chaleureux des années 70, et vraiment bien le reproduire avec des groupes qui ont beaucoup d'expérience. Trois membres de Barry Paquin, Roberge, étaient dans les Buddy McNeil and the Magic Mirrors auparavant. Les deux autres membres, évidemment, ils sont dans les deux Lux, donc Étienne et Anna. On a Jonathan Bigra qui est là pour supporter l'atmosphère aux percussions, et Joe à la basse qui a longtemps joué pour les Breastfeeders, pardon. Bref, des gros musiciens qui se réunissent, c'est le party sur scène, ça paraît, et c'est le party dans la foule. Tant qu'à moi, il y aurait dû avoir 5 fois plus de monde. C'est un peu tôt, c'était à 18h. Un peu tôt, un vendredi soir, c'est pas une excuse. C'est un. Vrai. De deux, moi, je leur aurais donné une résidence. Je leur ai offert tous les soirs, sur plusieurs scènes, ouvrir un peu partout, puisqu'ils vraiment, ils mettent la fête et ça réchauffe pour la suite de la soirée aussi, qui était sur cette scène-là, Papa Groove et Femi Kuti, j'ai pas vu Papa Groove, mais par la suite, ça m'a donné le goût d'aller voir les makeovers. Makeovers, qui est un duo d'Afrique du Sud. On me dit qu'ils parlent aussi hollandais. Ils s'obstinent sur scène parfois sur le choix des chansons parce qu'ils ne font pas de track listing. Ils avaient joué le soir juste avant à la Scène Fib. Là, ils étaient là pour ouvrir la soirée avec Galaxy et les Hôtesses d'Hilaire. Très belle performance, un gros rock en duo. Les gens pourraient facilement les comparer aux White Stripes. Moi, je trouve que ça ressemble plus aux Kills. Vraiment bien balancé dans la face, bien garroché, avec des percussions vraiment bien maîtrisées et un excellent rock'n'roll pour réchauffer cette scène-là, qui, par la suite, nous a amené les Bigger Than Life Hôtesses d'Hilaire avec leur rock. Ils viennent du Nouveau-Brunswick, leur rock des années 70. Moi, je les compare beaucoup à Offenbach. Ce genre de rock-là qui est rock, un petit peu prog, mais avec un leader tellement charismatique et sympathique. Là, c'est quelque chose. Serge, c'est vraiment... Tout un personnage, oui. Tout un personnage. On tombe en amour avec rapidement. Les fans qui n'étaient pas conquis l'ont été hier. Je crois que la date en novembre pour venir présenter leur opéra rock sera complet à l'Impérial. En tout cas, du moins, je leur souhaite. Ils ont vraiment été chercher leur public. Je peux dire, personnellement, que c'est pas tous les chroniqueurs de cette émission qui ont apprécié les Hôtesses d'Hilaire. Mais est-ce qu'il l'a vu? Harry a vu. On s'est obstiné un peu. Mais bon, on a tous le droit à nos opinions. Moi, je trouve qu'ils rendent très, très bien ce qu'ils font, surtout avec cœur et âme. Et vraiment un super rendu. Pour les gens qui ne connaissent pas les Hôtesses d'Hilaire, je vous invite à être un peu plus curieux. Surtout si vous aimez le rock, chanté en français, mais vraiment avec une grosse tonalité nord-américaine au niveau de leur rock. Très, très bon. Harry trouvait ça un peu trop caricatural. Ouais, ouais, c'est moins son genre, ça. Hein? Lui, il aime tomber dans le second degré. Ouais. La musique pure et dure, là, tu sais, de... pure et dure. Mm-hmm. Je me souviens que je me suis déjà obstinée pour les trois accords, mais c'était encore un autre débat avec Harry. Peut-être faire un saut sur les plaines avec Tania, hein, puisque Cyndi Lauper, t'as vu les trois dernières chansons? Non, t'as vu le spectacle au complet? La fin, en fait, les plus grands... Donc les succès, voilà. Exactement. J'ai vu Time After Time, Girls Just Wanna Have Fun, True Colors. Donc, les chansons, les grandes chansons que les gens attendaient, vraiment encore très en forme à vouloir être sur scène. Le plaisir d'être sur scène, c'est tellement important et c'est contagieux. Milk and Bone qui ont chanté, d'ailleurs, qui faisaient la première partie, Girls Just Wanna Have Fun, elle les a remercié. Donc, on avait vraiment une espèce d'amitié qui s'est créée entre les deux. Je veux dire, on n'est pas obligé de se croiser en arrière, là. Ni on d'inviter est... sur scène. Non, et quand on est une grande vedette internationale comme ça, avec des années et des années, on n'est pas obligé de s'intéresser à ce que font les plus jeunes. Hein. On peut vivre sur nos succès. D'ailleurs, Cyndi Lauper, je pense que peut le faire amplement parce qu'elle en a de nombreux. Mais c'était beau de voir cette intergénérationnalité, cette amitié presque spontanée aussi, tu sais, qui était unie par la musique. Et il y a quand même eu un bon changement de foule. Hein. Beaucoup de monde qui était là pour Cyndi Lauper et qui ont quitté. Donc ensuite, on a pu avancer pour Lorde. Donc je pense qu'il y avait quand même deux foules. Et ça a été une découverte, je pense, autant d'un côté que de l'autre pour le public, parce que les plus jeunes ne connaissent pas nécessairement Cyndi Lauper, parce que c'est pas de leur génération, disons-le comme ça. Alors que les fans qui étaient là pour Cyndi Lauper sont restés pour Lorde et ont peut-être aussi pu découvrir l'artiste au-delà de son succès Royals. Alors, Lorde, ça donne quoi? Elle est née sur scène, je pense. Je vais réécrire sa biographie et je crois qu'elle est née sur scène. C'est pas ça qui s'est passé pour vrai, mais elle a beaucoup d'expérience. Seulement 21 ans. Et des fois, on a l'impression de voir une petite fille sur scène. Mais dans le cas de Lorde, absolument pas. Jamais j'aurais pu miser sur son argent, sur l'argent sur son âge si je ne l'avais pas su. Avant, elle est confiante, assurée sur scène, avec des danseurs aussi qui l'accompagnaient pour donner peut-être un peu de souffle, parce que l'accent n'est pas mis du tout sur les musiciens. Hein. Il y en a sur scène, c'est pas des bandes qui jouent. Il y a vraiment... on a pu voir un peu, là, dans la pénombre, quand même, le batteur, guitariste, clavier, mais l'accent n'est pas mis là-dessus. C'est à peine s'ils sont éclairés. C'est vraiment les danseurs à l'avant. Elle-même, à un certain moment, s'est fait transporter. Elle était couchée sur les danseurs qui la transportaient, un peu comme si elle faisait du body surfing, mais sur scène. Elle a chanté un peu comme ça. Elle a pris le temps aussi de s'asseoir, de nous raconter une histoire de comment elle se sentait à un certain moment, qu'elle se sentait un peu seule avant d'écrire une chanson. Et nous disait, Québec, ben, ce soir, vous me faites sentir que je ne serai plus jamais seule, parce que bon, bon, il y avait de l'amour. Il y avait beaucoup d'amour pour Lorde. Ça criait. Oui, ça criait très, très fort. Elle a fait Royals, évidemment, qui a été un moment fort. Ce grand succès qui était sur son premier album, qui a déjà 5 ans. Le temps passe assez vite. Donc, imaginez. Succès à 16 ans, quand même. Oui, ouais. Elle avait été 1 an. Et son premier succès, c'était il y a 5 ans. Et donc, vraiment, je pense que c'était dans les grands spectacles qu'elle a fait, parce qu'elle a mentionné aussi, des fois, dans les festivals, les gens sont là, mais tu sais, ils viennent pour voir Metallica. Alors que là, mais quoi qu'à Québec, ça aurait pu arriver. Hein, les gens prennent pas de chance, ils vont quand même sur les plaines. Mais là, les gens étaient là pour elle et elle a vraiment apprécié. D'ailleurs, juste sa manière de bouger, c'est un peu saccadé, c'est un peu particulier. Donc, très, très unique aussi dans sa manière d'être. Elle n'est pas comme d'autres chanteuses pop. Et je pense que c'est ça que les gens aiment de Lorde, cette authenticité, cette unicité aussi. Et sa voix très grave. Hein, je parlais du fait qu'on n'avait pas l'impression de voir une gamine sur scène. C'est sûr que la voix grave aide aussi, peut-être les propos à travers tout ça. Donc, je m'en allais là un peu par hasard et finalement, j'ai une très belle prestation. C'est un beau spectacle de musique pop. Et l'un des seuls hein, au Canada, elle racontait avoir pris 2 avions pour venir, comme elle venait directement de la Nouvelle-Zélande. Jean-Claude, fin de soirée avec Femi Kuti notamment. Oui, Femi est venu lui aussi avec des danseuses. Oh. Mais il ne s'est pas fait transporter. Ah. Bref, un peu de sérieux. Femi Kuti and the Positive Force, ça dit tout. Vraiment un afro funk très positif. Il a commencé son spectacle en rappelant les gens le passé qu'il a vécu, vraiment pour mettre au diapason tout ce qu'ils ont vécu comme société et tout. Et à un moment donné, il a dit « OK, c'est fait. Vous êtes à jour. On peut parler du présent maintenant. » Et il a vraiment balancé tout. C'était superbe. Oui, chanter un peu preacher dans sa manière de faire, comme la dernière fois qu'il était venu au Festival d'été. Cette fois-ci, il a pianoté sur un clavier. Il a sorti aussi son saxophone. On le connaît plus comme saxophoniste et chanteur. Bref, super spectacle. Tout le monde dansait. Et le carré était jam-pack. Là. Il était plein, plein, plein, plein. On est allé voir aussi les Deluxe. Et très rapidement, Jean-Claude. Il restait quelques gouttes de sueur du passage de Glass Tiger. Et voilà, à l'Impérial, les Deluxe, c'était super, comme d'habitude. Valeur sûre. Donc, qu'est-ce que vous allez voir ce soir, Tania? Je vais aller voir Boston de Base, voir s'ils se sont un peu sex, drug and rock'n'roll. Moi, je confirme. Je mets... Ah, je sais pas si je parie, mais... On s'en reparle demain. Voilà, on s'en reparle demain. Jean-Claude? Moi, je vais aller voir s'il reste un peu de sueur de cette soirée d'hier soir pour aller voir Fouki et à la Claire ensemble à l'Impérial. En rap et en hip-hop. Donc, moi aussi, je serai à Boston the Base. J'ai vraiment hâte d'être à ce spectacle ce soir. Mais tout ce qui précède au Carré du Ville est à voir aussi. Je vous laisse dès maintenant avec notre metteur en onde, Michel Gauthier, qui va prendre la demi-heure suivante. Et puis, on se retrouve demain, 15h30, hein, pour la dernière de cette émission sortie culturelle spéciale Festival d'été de Québec. Demain, tous les invités sont confirmés. Alors, je vous annonce Flavia Coelho, Gato Preto, Mime, Sam Tucker, The Franklin Electric et Votia. Et bien sûr, nos chroniqueurs qui reviendront sur ce qu'ils ont vu ce soir. Et on remettra des prix, hein, nos prix découvertes, coup de cœur et bien d'autres lors de cette dernière émission pour le Festival d'été de Québec. Bonne soirée à tous. Sortie culturelle spéciale Festival d'été de Québec vous a été présentée en direct du bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. Rendez-vous demain, même heure, même poste. Que le spectacle continue.